par des sciences. Chacun nourrit sa pensée et chacun nourrit sa pensée. Bonjour à tous et merci beaucoup de votre présence ce soir à ce nouveau Mardi de l'espace. C'est organisé à chaque fois par le CNES, le Centre National d'Études Spatiales et l'association Barre des Sciences Paris. Exploration spatiale vers une stratégie internationale, c'est le sujet de ce soir. Alors l'exploration spatiale, c'est à la fois l'homme dans l'espace, la station spatiale internationale, peut-être un jour aller retourner sur la Lune, aller vers Mars, et c'est aussi les sondes, les robots qu'on envoie sur des planètes. Eh bien, aujourd'hui, il y a une stratégie internationale qui essaye de s'échafauder, qui essaye de se mettre en place à travers des initiatives comme l'ISEG. L'ISEG, c'est une coordination de 14 agences spatiales qui réfléchissent ensemble. Eh bien, on va voir ça avec vous, nos deux intervenants, Richard Bonneville et Alain Dupas. Bon. 19h mardi soir, tu te décarcasses. Pour savoir où passer ta soirée, le concert de basse et de maracas est annulé. Et ta petite amie vient de casser. Tu te sens vraiment bluesy et t'as la haine. Tu te promènes tout seul sur les quais de la Seine. Les mardis de l'espace au café du bonheur te changent les idées, te remettent les accus à neuf. Les mardis de l'espace au salon du bonheur. Merci Michel. On va donc parler d'exploration spatiale ce soir. Exploration spatiale vers une stratégie internationale. Alors je ne sais pas si vous êtes au courant, mais en ce moment même a lieu à Caserte, en Italie, une importante réunion des ministres européens de l'espace. Les ministres européens d'espace sont en train de discuter comme ils le font tous les 3 ou 4 ans. Et ils réfléchissent bien sûr à l'avenir. Et ils parlent gros sous. Et ils sont en train de se demander est-ce qu'on va vers une Ariane 6 ? Et ils sont en train de se demander qu'est-ce qu'on fait d'ExoMars, comment est-ce qu'on finance ExoMars. Vous savez, ExoMars, c'est ce rover européen qui ira peut-être fouler le sol de Mars dans les années à venir. Michel Lascaux est là. Voilà, on va aussi parler de l'homme dans l'espace. De l'homme dans l'espace et de la station spatiale internationale. Vous savez probablement que cette station spatiale internationale qui tourne actuellement au-dessus de nos têtes à 350 km d'altitude, eh bien, elle est prévue jusqu'en 2020. Mais qu'est-ce qui se passe au-delà? Qu'est-ce qu'on va faire? Quelle est la prochaine étape? Voilà, là, vous voyez, dès aujourd'hui, en ce moment, à Caserte, on est en plein dans notre sujet de ce soir, avec une réunion internationale au niveau européen pour parler d'exploration de l'espace. On a besoin d'être plusieurs, d'être en coopération quand il s'agit d'exploration, parce que c'est des histoires de gros sous. Et il ne faut pas chercher plus loin. Donc on est au niveau européen, au niveau international aussi. Hein. La station spatiale internationale, c'est tous les pays d'Europe. C'est la NASA, c'est les Canadiens, c'est les Japonais, et c'est la Russie aussi, bien sûr. Mais l'exploration spatiale, ce n'est pas que l'homme dans l'espace. C'est aussi des sondes, c'est aussi des robots. Et on a eu énormément de succès dans ces domaines-là les années passées, avec par exemple Huygens, l'Européen Huygens, qui est allé se poser sur une petite lune de Saturne qui s'appelle Titan, et qui était un monde totalement inconnu, ce Titan, parce que il y a une épaisse couche de nuages qui empêche de voir en dessous, et on a découvert un monde de méthane. Un monde avec des lacs de méthane, un monde où il pleut des hydrocarbures. Donc, vous voyez, un monde très étrange et tout à fait passionnant. On a donc besoin de coopération internationale dès qu'il s'agit d'exploration. On aimerait bien avoir une stratégie avec laquelle tout le monde soit d'accord. Et c'est ce qu'essaye de faire l'ISEG. L'ISEG, c'est le International Space Exploration Coordination Group, donc le groupe de coordination de l'exploration spatiale international, donc ISECG. Et on a aussi un forum international de haut niveau sur l'exploration spatiale. Donc avec un certain nombre de sujets, que faut-il faire après la station spatiale internationale? Quels objectifs se fixer? Comment s'organiser? Avec quel calendrier? Quels bénéfices peut-on en attendre? On va voir tout cela avec vos questions, parce que je vais venir vers vous, et puis vous allez pouvoir vous exprimer et parler. Et puis on va voir tout ça avec nos deux invités, que je vous demande de bien vouloir accueillir avec quelques applaudissements, s'il vous plaît. Alors, il s'agit de Richard Bonneville, qui est directeur adjoint de la direction de la prospective, de la stratégie, des programmes, de la valorisation et des relations internationales. Je crois que dans tout ça, ce qui nous intéresse en particulier ce soir, c'est les relations internationales, la stratégie, la prospective, au Centre national d'études spatiales, donc le CNES. Et puis Alain Dupas, qui est expert en politique, technologie et stratégie spatiale. Vous avez travaillé d'ailleurs au CNES jusqu'en 2003 et on vous connaît en particulier grâce à vos livres. Une douzaine de livres dont les deux derniers sont La nouvelle conquête spatiale, c'était chez Odile Jacob. Et puis Demain, nous vivrons tous dans l'espace, c'est chez Robert Laffont. On va parler avec vous de tous ces sujets-là. Alain Dupas, comment est-ce que vous voyez justement cet avenir de la coopération internationale, en particulier dans le domaine de l'exploration? Déjà, je voudrais dire que la coopération dans le domaine aussi bien des vols habités que pour l'exploration robotique, la coopération est vraiment au cœur de tous les programmes aujourd'hui. Dans le domaine des vols habités, si vous mettez de côté le programme chinois, qui va son petit bonhomme de chemin à part pour l'instant, toutes les puissances spatiales, y compris la première, donc les États-Unis, mais ensuite, historiquement, la deuxième, la Russie, l'Europe, le Japon et le Canada, ont un programme commun. Il n'y a pas d'activité de vols spatiaux habités en dehors de la Station spatiale internationale. Je veux dire, encore une fois, à l'exception de la Chine et, dans quelques années, probablement d'une activité assez modeste de l'Inde. Donc, alors, est-ce qu'on peut prendre comme exemple, justement, la Station spatiale internationale et s'intéresser à ce qui peut se passer dans l'avenir? On va faire de la prospective tout de suite. On va se lancer. La Station spatiale internationale, après 2020, ou disons dans 10 ans, ou dans 5 ans, je ne sais pas quand elle va s'arrêter, ça peut ressembler à quoi? Qu'est-ce qu'on peut faire en matière de vol habité? D'intéressant. Écoutez, parce qu'on ne va pas rester à tourner autour de la Terre, là, si? Écoutez, je crois que... On peut être assez brutal dans les jugements. Allons-y. Il y a eu une grande période des vols spatiaux habités qui s'est déroulée dans les années 60 et le début des années 70 et qui a culminé avec l'envoi par les États-Unis d'hommes sur la Lune. C'était vraiment un programme, effectivement, d'exploration. Les astronautes étaient des explorateurs sur un autre monde. Un monde mythique, la Lune. Bon. Et ensuite, je dirais que lorsque les Américains ont quitté la Lune pour la dernière fois en décembre 1972, si je compte bien, ça va faire 40 ans dans quelques jours, eh bien, ils sont revenus vers la banlieue de la Terre. Et sincèrement, faire des vols autour de la Terre, c'est pas de l'exploration. Vous pouvez considérer que ça peut préparer l'exploration. C'est-à-dire, l'exploration, si on est rationnel, c'est l'envoi de robots ou de personnes ou des deux, d'hommes, sur d'autres astres, à grande distance de la Terre. Avoir un laboratoire qui tourne à 450 km d'altitude, avec un tour tous les 90 ou 95 minutes, c'est pas de l'exploration. Et d'ailleurs, donc, je dirais que on peut considérer, et je considère, que la NASA et le gouvernement des États-Unis se sont fourvoyés, après 1972, dans deux programmes qui ont coûté beaucoup plus cher que le programme Apollo, et qui n'ont certainement pas brillé de la même manière au firmament des activités spatiales. Donc les deux programmes en question, c'est la Station spatiale internationale et la navette, non. C'est d'abord la navette. D'abord la navette, oui. Et puis la navette n'avait de sens, si vous voulez, si vous construisez un camion. Il faut une station, là. Il faut bien aller quelque part avec ce camion, parce que c'était vraiment un gros système de transport, très cher. très complexe, c'est tellement complexe. Et donc les deux systèmes, c'est la navette et la station. Voilà. D'accord. Et donc, puis il s'est avéré que la navette, non seulement elle n'allait pas très loin, mais elle était dangereuse, elle a eu deux accidents, il y a eu 14 morts, et les États-Unis ont investi au total nettement plus de 100 milliards de dollars dans le programme de navette, qui est maintenant arrêté. Point. Alors on peut continuer avec Richard Bonneville, Alain Dupin. Je termine juste une seconde. Il y a donc après, puisqu'il fallait une station. Les Américains ont finalement décidé, 10 ans après avoir décidé le programme de navette, sous la présidence de Ronald Reagan en 1984-85, d'engager un programme de station spatiale, mais d'une manière internationale, en invitant de nombreux partenaires. Apollo avait été purement national. La navette, il y avait certaines coopérations avec l'Europe et le Canada. La station, avec la Station Spatiale Internationale, vous avez eu de nouveaux partenaires, en particulier le Japon et plus tard la Russie. Alors moi, j'aimerais beaucoup. Voilà, donc on est resté là. D'accord. Et puis on en est toujours là, 40 ans après. On va aller voir la suite. Je voudrais bien qu'on entende Richard Bonneville sur la suite. Comment est-ce que vous voyez la suite avec le micro, s'il vous plaît? Alors, comme l'a dit Alain, un programme de vol habité qui se limite à l'orbite basse, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Hein. La station spatiale est à peu près à la distance de la Terre de Paris-Lille. Hein, donc c'est pas très, très... C'est pas vraiment l'exploration. la distance entre la Terre et la station spatiale internationale, c'est Paris-Lille. Ouais, c'est pas très haut. Et il y a 6 personnes qui tournent en ce moment au-dessus de nos têtes, je peux dire, dans l'indifférence générale. Hein, on s'y intéressera le jour où il y aura un accident. Ah oui, c'est comme ça que vous voyez les choses. Ah, c'est comme ça que je vois les choses. Oui. D'accord. Bon. Donc, vous parlez en votre nom ou au nom du CNES? Je parle en mon nom. Ah bon, d'accord, en votre nom, d'accord. Non, l'intérêt de l'exploration, et de l'exploration habitée en particulier, c'est d'aller au-delà de l'orbite basse. Et aujourd'hui, ça peut être la Lune, ça peut être des astéroïdes. Il y a un consensus pour dire que l'objectif à très long terme, vers lequel on s'oriente, ce serait l'exploration habitée de Mars. Alors pour ce faire... Eh bien, c'est un programme d'un volume financier considérable. Il y a plusieurs stratégies. On peut dire, il faut apprendre à vivre, travailler, etc., sur une surface planétaire. Ça plaide sur une base lunaire. Il y en a qui disent, au contraire, ce qui est intéressant, c'est d'apprendre à faire des missions de très longue durée dans l'espace lointain sans pouvoir revenir facilement. Ça serait quoi, par exemple? Une visite d'un astéroïde, par exemple, un astéroïde qui passe, ce qu'on appelle les géocroiseurs, ceux qui passent pas loin de la Terre. Pas loin, c'est quelle distance quand même? Pas loin, c'est disons, on peut y aller en quelques mois, c'est-à-dire des astéroïdes dont la trajectoire croise de temps en temps la trajectoire de la Terre. D'accord. Donc vous avez une idée de la distance? Non, pas particulièrement. C'est des millions, ça se compte en millions. C'est la distance, disons, typiquement la distance Terre-Lune, comme ordre de grandeur. Hein. Oui, sauf que la Lune, on y va en 3 jours. Là, vous me dites. C'est-à-dire qu'ils ont leur trajectoire, non pas autour de la Terre, mais autour du Soleil. Et donc, une fois qu'on est parti, on est soumis aux lois de la balistique. Hein, et donc, on ne peut pas revenir quand on veut. Alors, ce sont deux chemins qui ne sont pas exclusifs l'un de l'autre. Ce sont deux voies complémentaires vers cet objectif lointain qui est de déposer un homme sur Mars. Donc, les deux voies, c'est soit une base sur la Lune, C'est ce qu'on appelle en bon français Moon First ou Asteroid First. Voilà. On va d'abord sur la Lune et ensuite on visite un astéroïde, ou on visite un astéroïde et on va ensuite sur la Lune. On peut très bien imaginer un programme d'exploration global où les uns choisiraient d'aller d'abord sur la Lune et ensuite se dirigeraient vers une autre destination, et où d'autres choisiraient d'abord d'aller vers une autre destination et ensuite d'aller vers la Lune pour un objectif commun. Et les moyens nécessaires sont tellement importants en termes de ressources, de financement, qu'il nous semble que la stratégie d'exploration avec cet objectif lointain d'aller sur Mars, c'est forcément, ça ne peut être qu'une stratégie globale, mondiale d'exploration. Et une stratégie globale, mondiale d'exploration, ça veut dire un endossement politique à un certain niveau d'une vision commune. Et d'où ce que vous citiez tout à l'heure, là, ce forum international qui s'est mis en place l'année dernière à Lucca, qui va se réunir périodiquement pour essayer de se mettre d'accord sur une vision partagée. Et puis ce club des agences spatiales, l'ISEG, International Space Exploration Coordination Group. Il y a deux choses différentes. Il faut bien comprendre. Il y a le forum. L'ISEG, d'une part. Donc j'ai parlé, mais j'ai pas parlé du forum, si je me trompe pas. Si vous l'avez cité. Ah bon, peut-être. Est-ce que vous voulez? D'accord. Alors, il y a le forum politique, ce sont les politiques. Ouais. Et puis l'ISEG, c'est le club des agences spatiales, c'est-à-dire les techniciens, les ingénieurs, les programmatiques, qui, eux, vont mettre sur pied, vont élaborer une proposition de programmation. Et l'idée, c'est que cette proposition de programmation, cette roadmap, comme on dit en bon français, pourra être endossée au niveau politique et fixer cet objectif dans peut-être alors 10, 20, 30, 50, 100 ans. C'est une vision sans fin, en fait, l'exploration. C'est pas, comme la station spatiale, une aventure d'une durée finie. L'exploration, c'est une aventure sans fin de l'espèce humaine. Ok, donc on a parlé de l'homme dans l'espace. Est-ce que vous y croyez d'abord, vous, Alain Dupas, à cette l'homme sur Mars? Alors c'est ça la visée, hein? Mais c'est quand? Parce que si on écoute les gens de la Mars Society, qui est une association de lobbyistes, de gens qui y croient dur comme fer, ils disent « Mais attendez, mais il n'y a pas de Moon First, il n'y a pas d'Astéroïde First, il faut y aller directement. On en est capable, faisons-le. » Et en plus, il y a une expérience récente qui a montré que 6 personnes enfermées pendant 520 jours sont capables de vivre ensemble sans se mettre sur la figure lors d'un vol de simulation vers Mars. On ne parle pas ici de croyance. Je suis tout à fait d'accord avec Richard. C'est une aventure sans fin qui d'ailleurs... Et sans fin aussi, presque dans l'autre sens, dans le passé, l'histoire de l'homme sur la Terre, c'est une histoire d'exploration, de migration, d'occupation. Donc maintenant que toute la Terre est occupée depuis assez longtemps, que les derniers recoins de la Terre ont été explorés, se tourner vers l'espace, quitter la Terre, je dirais que ça paraît tout à fait logique. Mettre Mars comme objectif principal aussi. Parce qu'il faut quand même bien voir, il y a deux choses. Il y a effectivement un certain nombre d'êtres humains, et il y en a eu toujours, et il y en aura probablement toujours aussi, qui ont vraiment envie d'aller ailleurs, partout où c'est possible. On peut d'ailleurs remarquer que sur notre planète, même dans des endroits où, personnellement, j'aurais pas forcément envie de vivre, comme au Svalbard, par exemple. Oh, pardon. Le Spitzberg, c'est une île qui est partagée entre la Russie et la Norvège, si je ne me trompe pas, et qui se trouve par 80 degrés de latitude nord. Ah oui. Et vous avez des dizaines de milliers de personnes qui habitent là. Et vous avez les Inuits au Canada. Donc je veux dire que ça, et vous savez bien aussi, vous avez des populations qui habitaient absolument à la pointe extrême de l'Amérique du Sud. Partout où on peut vivre, il y a des hommes, y vivent. Et donc aller quelque part ailleurs, il y a donc une aspiration d'une partie de l'espèce humaine, au moins d'un certain nombre d'individus, d'aller de toute façon ailleurs. Ils veulent aller sur la Lune, ils veulent aller vivre sur Mars. J'ai des amis qui sont américains, ou placés à la NASA ou ailleurs, qui disent « Moi, on m'offre un ticket aller pour partir sur Mars. Pas de retour garanti. Moi, j'y vais et j'y reste. » Bon. Alors après, il y a aussi une autre... Bien, ce qui s'est quand même passé dans l'histoire humaine, c'est le développement de la science. C'est un désir non pas de migrer, d'aller ailleurs, c'est d'apprendre, de connaître, de comprendre. Et il y a quand même la question fondamentale... c'est la question des origines, l'origine de la vie. Et on ne connaît qu'une seule vie dans l'univers, c'est la nôtre. Et la question de savoir si nous sommes uniques ou si ce qui s'est passé sur la Terre peut se passer relativement facilement ailleurs, c'est une question très, très importante sur le plan philosophique et sur bien d'autres plans aussi. Donc la question... C'est où est-ce que, dans le système solaire, on pourrait aller voir si une vie est apparue dans les 4 milliards et demi d'années d'existence du système solaire? Et la première... quand on pose cette question, la réponse qui vient immédiatement à l'esprit, compte tenu des connaissances que l'on a ou que l'on avait, c'est Mars. Pourquoi? Mars, c'est une planète qui est une petite sœur de la Terre, qui a manifestement eu un passé pendant lequel il y a eu de l'eau. Or, quand on cherche la vie, compte tenu de ce que l'on sait de la vie terrestre, on a envie de chercher de l'eau. C'est une planète qui aujourd'hui est un désert glacé, Mais il n'est pas impossible qu'il y ait à certaines périodes, peut-être même que ça pourrait revenir, une période où l'atmosphère est plus dense, où il y a de l'eau à l'état liquide à la surface, des conditions qui pourraient, a priori, propices à une vie telle qu'on la connaît. Alors, Mars réunit donc d'autre part, Mars n'est pas très loin. Le système solaire, c'est immense, c'est vaste. C'est quelques centaines de millions de kilomètres. Vous savez que le système solaire, en 7 ans, il y a les planètes, la nôtre. Après, il y a les grosses planètes, qui Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune. Après, il y a tout un monde de gros objets, plus ou moins gros, glacés, la ceinture de Kuiper. Et puis après, vous avez la ceinture de Oort, où vous avez toutes les comètes. Et là, on va pas loin. On va pas loin du quart de la distance de l'étoile la plus proche. Donc c'est gigantesque, le système solaire. Mars, c'est tout près. C'est notre banlieue. Alors c'est plus loin que la Lune. Ça coûte pas beaucoup plus cher d'envoyer une sonde vers Mars que vers la Lune. Une sonde ça ou un homme? Ça prend du temps. Une sonde ou un homme? Ce sera pareil, les êtres humains. D'accord. S'il faut 3 jours pour aller sur la Lune. Non, je parle pas du temps, je parle de l'argent. Ah oui, mais ça, c'est général. Parce que Richard Bonneville dit 10 fois plus. Il faut 10 fois plus d'argent. Si on veut revenir sur la Lune, il faut quelques dizaines de milliards d'euros. Il faut 10 fois Mars, plus. Mars aujourd'hui, mais on va pas le faire aujourd'hui. Mars, on le fera pas. Vous disiez tout à l'heure, il y a des gens qui disent, on peut le faire. Oui, non, alors, on peut pas le faire. Pourquoi pas? Dans 20 tout ans, ça. On se donne 20 ans. Très franchement, je suis un passionné de Mars. J'ai écrit un livre qui s'appelle Destination alors, Mars. Qu'est-ce qui l'empêche? Je crois que Richard est aussi passionné que moi à cet égard. Nous n'avons pas les technologies pour aller installer une base sur la planète Mars. Mais si on se donne 20 ans... Non, mais je vous dis, aujourd'hui, si on engage un programme, c'est trop... Je dirais que je pourrais même pas le définir correctement, ce programme. Je n'ai pas les technologies qu'il faut, par exemple, pour pouvoir essayer de raccourcir les temps de voyage. Bah, les temps de voyage, ils sont 9 mois. Protéger les astronautes des radiations. Alors, c'est plutôt ça, pendant le voyage. Ouais, ça, c'est un problème. Très franchement... d'autre part, on parle, vous disiez tout à l'heure, on a fait, il y a quelques hommes qui ont les en bas. On a pris un volume un peu comme ce café, on a mis un certain nombre 180 de personnes mètres dedans, carrés, ouais. Et on dit, ils ont passé 6 mois ou 9 mois, formidable, 500 jours. Non, un an et demi. 500 jours, non. Ah oui, 520 jours, ça fait un an et demi. Oui, donc, formidable, ils peuvent vivre ensemble. C'est pas vraiment une grande découverte, ça fait un certain temps que des sous-marins font des c'est 6 mois, là c'est un an et demi. Oui, mais sincèrement, moi je trouve ça presque ridicule. C'est franchement mettre des gens pour simuler une mission martienne sur la Terre, ça n'a rien à voir. Vous envoyez un vaisseau qui va être à des millions de kilomètres de la Terre, la notion même de communication instantanée n'existe plus. Mais chez eux non plus. Mais oui, ça a été simulé. Simulé, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas de communication. Sincèrement. Directe. Je pense que je saurais faire effectivement un habitat sur la Terre pour simuler une mission martienne. Ça se fait. Mais en revanche, faire un vaisseau capable de transporter aujourd'hui dans des conditions de sécurité suffisantes un équipage vers Mars, se mettre en orbite autour de Mars, descendre sur Mars, installer une base... Et on se donne 20 ans. Si on se donne 20 ans. Non, 20 ans, c'est trop court. Ah, 20 ans, c'est trop court. D'accord. Richard Bonneville, vous êtes d'accord, 20 ans, c'est trop court? Sûrement. Je pense que c'est quelque chose qui est éventuellement envisageable pour la seconde partie de ce siècle, peut-être. Peut-être que ça n'aura jamais lieu. Peut-être que l'humanité aura d'autres chats à fouetter. Mais c'est un objectif vers lequel il faut qu'en prenant son temps, on se prépare en identifiant les technos qui seront nécessaires. Cela dit, je vais revenir sur ce qu'on disait tout au début. Exploration, c'est pas synonyme de vol habité. Hein. Une mission de retour d'échantillon de Mars par un robot et une mission de retour d'équipage martien, en termes de coût, on peut facilement mettre, moi je dirais, 2 ordres de grandeur. La première mission. 2 ordres de grandeur, ça veut dire 100 fois plus cher. 100 fois plus cher. La première mission, c'est entre 1 et 5 milliards d'euros. Je dirais que une mission habitée, quand on saura la faire, enfin tout le programme qui conduirait à cette mission et la réalisation de cette mission, ça sera plusieurs centaines de milliards d'euros. Plusieurs centaines de milliards d'euros. Je pense. Mais après tout, l'exploration, on l'a dit, c'est prolonger la présence humaine et étendre la présence humaine. Alors le rôle respectif de l'homme et du robot. en fait, il évolue sans arrêt. Les technologies robotiques évoluent. Un robot d'aujourd'hui et un robot d'il y a 20 ans, ça n'a rigoureusement rien à voir. Et un robot dans 20 ans, ça n'aura rien à voir non plus. Je sens que vous allez plaider pour l'utilisation des robots et des sondes. Oui, c'est exact. De toute façon, il y a des destinations du système solaire où on ne peut, dont on ne peut envisager la visite que par des robots. Les planètes géantes, par exemple. Vénus, probablement, qui est une espèce d'enfer, d'enfer chaud. Mais bon, on prépare cette mission. On ne sait pas si elle aura lieu, mais on ne peut pas dire qu'elle n'aura pas lieu non plus. Donc il est nécessaire d'évaluer les technologies qui pourraient nous permettre d'y arriver. Alors, on parlait tout à l'heure de quitter son berceau. L'homme s'est répandu effectivement sur toute la surface de la Terre. Il y a encore des coins sur lesquels il ne s'est pas installé. L'Antarctique, par exemple. Il y a des bases scientifiques en Antarctique dans lesquelles quelques individus, quelques dizaines d'individus, vivent de façon à l'état reclus, parce que dehors, c'est très hostile. Donc ils font des expériences scientifiques. Et puis, ils attendent la relève. Et je pense que la vie sur une base lunaire ou martienne, ça sera un peu pareil. Une poignée d'individus spécialement entraînés, quelques-uns, iront là. Ils feront des expériences scientifiques, des travaux intéressants. Ils sortiront pas beaucoup parce que dehors, c'est très hostile. Et puis, ils attendront la relève. Et je pense que l'exploration de la Lune ou de Mars, ça ressemblera beaucoup à ça. Habité. OK. Et les sondes, alors ? Disons un mot des sondes avant de venir à vos questions. Comment est-ce que vous voyez leur rôle et peut-être leur interaction avec l'homme ? Parce que est-ce que finalement on peut se passer de l'homme dans l'espace ? C'est une des questions qu'on peut se poser, Alain Dupin. La réponse à cette question est oui, on peut s'en passer. La question c'est est-ce que la présence de l'homme dans l'espace, au-delà de sa dimension mythique, apporte quelque chose ? Alors aujourd'hui vous avez une expérience qui est en cours, qui est la Station Spatiale Internationale. Vous y avez des chercheurs, encore une fois... Ce n'est pas un centre d'exploration, c'est un laboratoire. D'une certaine manière, c'est quelque chose d'un peu comme le CERN qui se trouve être en orbite et qui est censé exploiter pour la recherche scientifique les conditions particulières qui règnent autour de la Terre, notamment la microgravité. Alors, le CERN, c'est cet CERN, accélérateur de particules. Non, CERN est devenu... Oui. C'est européen, c'est une des premières grandes initiatives scientifiques européennes un peu avant l'espace, parce que l'espace, ça a commencé très tôt à la dimension européenne. Je crois que le CERN, ça va être 1954 ou 1956. On a créé en Europe un centre pour mettre en commun les moyens pour étudier la physique des hautes énergies. Alors, aujourd'hui, on va pas faire l'autre non, sur non, le je CERN. Je termine. Oui, oui. C'est devenu le grand centre mondial. Tous les pays du monde sont réunis autour du CERN, qui garde le E d'Europe de son nom. Mais la Station Spatiale Internationale, c'est un peu la même chose. C'est un labo. Alors est-ce qu'en sortiront des résultats ? Mais ce ne sera pas jugé en fonction de la découverte de nouvelles terres. Ce sera jugé en fonction de la découverte de nouveaux processus, de nouveaux procédés, de nouvelles propriétés de la matière. C'est en cours. Je suis plus optimiste que Richard là-dessus. J'espère bien que de ce labo, qui a quand même coûté des dizaines de milliards de dollars, sortiront des résultats scientifiques intéressants. Ce n'est pas de l'exploration. En tout, ce sera une centaine de milliards de dollars. Oui, mais enfin, c'est un peu moins. Mais si ça dure longtemps, ça finira par être plus. Bien, donc, alors c'est 2 milliards de dollars par an. L'exploration. Alain Dupas, ça coûte 2 milliards de dollars par an à l'Europe, c'est ça ? Ça coûte 2 milliards de dollars par an à tout le monde. À tout le monde. Une partie à l'Europe. Okay. Une partie pour l'Europe. D'accord. 300 millions, alors. 300 millions pour l'or. Bon, ce qui n'est pas, ce qui n'est pas négligeable dans le budget de l'ESA. Alors maintenant, vous dites l'exploration, ça serait donc d'envoyer des hommes très loin pour faire quoi ? Mais je pense sincèrement qu'il n'y a aucune opposition entre des astronautes évoluant à grande distance de la Terre ou travaillant sur des surfaces comme celle de la Lune ou de Mars, par exemple. Et puis les robots. Pourquoi ? Parce que de toute façon, l'homme ne fera pas tout. Et ce que vous allez avoir, c'est une synergie entre l'homme et le robot. Aujourd'hui, prenez l'expérience de cette sonde extraordinaire que les Américains ont posée sur Mars au mois d'août, Curiosity, avec de remarquables expériences françaises dessus. Le robot, il travaille pas tout seul, il est complètement télécommandé depuis depuis la Californie. Et la France. Hein, donc, si vous voulez, le robot, c'est une extension des sens humains, des capacités humaines. Le problème, c'est que c'est loin. Donc j'ai tendance à penser qu'une des meilleures raisons de dire il faudrait quand même envoyer des hommes près de Mars avant de les envoyer sur Mars, c'est que, sincèrement, télécommander un robot quand le signal peut mettre jusqu'à 40 minutes pour aller faire un aller-retour... c'est pour ça aussi que les robots martiens vont pas très vite. On n'a pas envie de les perdre. Même très on n'a pas envie de prendre de risques. Donc on avance petit pas par petit pas. Ils n'ont pas une intelligence artificielle suffisante pour choisir eux-mêmes leur trajet. Et puis de toute façon, on ne leur ferait pas suffisamment confiance. C'est quand même un objet qui a coûté 2 milliards de dollars. Donc c'est très lent. En revanche, vous auriez des hommes, des scientifiques qui seraient non pas sur Mars... parce qu'au fond du puits de gravité martienne, mais qui serait sur Deimos ou Phobos, probablement plutôt Deimos, un des deux satellites, des deux petits satellites martiens, il serait là, il serait à une fraction de seconde posé sur une des lunes de Mars. Le robot, et de là, bah, il piloterait non pas un robot, mais peut-être des dizaines et des centaines, parce que la technologie robotique, comme Richard le faisait remarquer, va évoluer. Et de là, il pourrait piloter toute une flotte de robots sur Mars, parce que c'est grand, Mars. Imaginez que Mars est aussi grand que les terres émergées de notre planète. Ouais. Imaginez que vous dites « Ah bah tiens, je vais explorer la Terre ». Alors j'ai un robot qui se déplace de quelques mètres par jour. C'est pas évident, déjà, à choisir l'endroit, tout ça. Mais à part ça, en revanche, je vous dirais « Ah bah j'ai quelques milliers de robots, tout petits, en utilisant une nanotechnologie, et puis je suis capable de les télécommander, de contrôler, puis si l'un d'eux trouve quelque chose d'intéressant, je vais voir ». Et donc ça, c'est peut-être le facteur temps de communication qui fait qu'il sera vraiment utile d'avoir des hommes près de tous les moyens robotiques qui seuls exploreront cet immense monde de Mars qui est magnifique, qui est extrêmement intéressant et prometteur. Y trouvera-t-on la vie ? Si on y trouvait la vie, ça pourrait accélérer les choses. Ouais. Donc vous voyez-vous une exploration qui se fait en concordance, en coopération, Dirais. Synergie. Alors d'abord international, c'est sûr, mais aussi en synergie entre les hommes et Absolument. Les robots. Et la destination, c'est quand même Mars. Et ça pourrait être intéressant d'avoir des hommes sur une lune de Mars en train de commander, de piloter des robots sur Mars. Puis rien n'interdit de descendre, qu'ils fassent une petite descente. De temps en temps. Installer une grande base et puis dire là, des hommes s'installent. Ça viendra, mais ça peut prendre des décennies de plus. Mm-hmm. Déjà, aller... autour de Mars, c'est 10 fois plus facile que d'aller s'installer sur Mars. Ah oui, tourner Mars, autour. Mars, c'est pas une petite planète, c'est beaucoup plus gros que la Lune. Quand vous voulez arracher. S'y poser, vous avez vu les difficultés pour poser énormément. Curiosity. Curiosity pesait 900 kilos. Oui. Pour amener des hommes sur Mars, on estime qu'il faudra probablement 20 ou 30 tonnes. Et on n'a pas les technologies pour le faire, je vous pour dis. Pour se freiner et se poser en douceur. Alors donc, on s'arrête. Ok. Cette vision. Des mots, c'est Phobos. Richard Bonneville, cette vision d'homme sur une lune de Mars en train de piloter des robots. C'est ça l'exploration dans l'avenir? C'est la synergie homme-robot? La synergie homme-robot, sûrement. je pense que. On a tendance à... Je veux d'abord revenir sur ce qu'on disait tout à l'heure, ce que tu disais sur la station spatiale en tant que laboratoire. C'est un laboratoire, mais contrairement au CERN, il n'a pas été conçu pour faire de la science au départ. La station spatiale, c'est un projet politique. Le CERN, on l'a fait pour faire cogner les particules et apprendre des choses sur leur nature. La station spatiale, ça sert aussi de laboratoire. Mais si l'expérience en micro-pesanteur, le travail est très honorable, je n'ai pas critiqué, mais si ça devait révolutionner la science, depuis le temps qu'on voit des manips en micro-pesanteur, on le saurait déjà. Donc voilà. La micro-pesanteur, c'est l'absence de pesanteur, disons, qui existe dans un système en orbite. Alors pour en venir à Mars, un robot à la surface de Mars, il peut durer des jours, des semaines, des années. Je doute que... Attendez, Spirit et Opportunity. C'est Spirit, en l'occurrence, ça fait une dizaine d'années, je crois. À peu près, oui. Ouais, c'est ça. Et je doute qu'un équipage puisse rester en orbite autour de Mars à surveiller son troupeau de petits robots pendant la même période. Donc Alain Dupas, ils vont lentement, mais ils durent longtemps. Oui. Les robots. Hein. Et Dans le futur, je pense qu'on oublie la loi de Moore, c'est-à-dire la façon dont l'électronique progresse et l'intelligence des robots progresse. Aujourd'hui, sur un PC de bureau, vous faites des calculs en Fortran, en Pascal, en n'importe quoi. En quelques minutes, vous avez ce qui serait sorti après des nuits entières de calculs d'un ordinateur grand comme cette pièce il y a 20 ou 30 ans. Donc, qu'est-ce que pourra faire un robot martien, l'intelligence d'un robot martien ou d'un robot planétaire dans 20 ou 30 ans? On n'a aujourd'hui aucune idée. Donc, je pense que on ne se projette peut-être pas assez. L'homme dans l'espace, c'est un peu une survivance de la guerre froide. Il y a d'un côté le cow-boy qui va à l'ouest. Heureusement que les martiens ne sont pas des indiens. Et puis, d'un autre côté, il y a l'homme nouveau soviétique qui va apporter la civilisation. Je pense que c'est une vision un peu dépassée. On peut très bien... ça me paraît obsolète. Aujourd'hui, l'idée qu'il est nécessaire que ce soit l'homme, la main de l'homme qui pose le pied, comme on dit dans Tintin, sur une planète, c'est pas nécessaire. La main du robot, c'est le prolongement de la main de l'homme. C'est moins spectaculaire peut-être, mais si vous voyez par exemple la passion des internautes quand un robot se pose sur Mars, bon, moi je pense que l'avenir est de ce côté-là. D'accord, ok, bah écoutez, le débat est posé, et on voit bien vos deux sensibilités. Alain Dupin, vous vouliez ajouter quelque chose ? Non, je regardais si mon micro marchait. Ah, il marche. Et vous allez pouvoir répondre. Qui voudrait poser des questions, discuter avec nos intervenants, monsieur ? Oui, si je comprends bien, la phrase historique pour Marx, ça serait « c'est une petite empreinte de pneu, mais un bon géant pour l'humanité ». Alors, je reviens très loin en arrière, quand j'étais gamin et que je suivais les vols Apollo, etc., je m'étais offert un petit livre anglo-saxon racontant, au moment où ça venait de se faire, enfin vraiment en direct, le vol d'Apollo 11. Et le dernier chapitre, c'était « Et après ?». Et il disait « Mars, ça pourrait être dans les années 80, 85, 90 environ, mais bon, on verra. » Alors, je sais bien qu'il y avait un optimisme technique et une rivalité avec les Russes à l'époque, mais c'est assez curieux de penser que quelque chose qui était imaginé 15 ans plus tard est aujourd'hui difficile à imaginer 20 ans par rapport à maintenant. J'ai un petit peu l'impression d'être sur le même débat qu'à propos de l'énergie nucléaire de fusion, qui était dans 30 ans autrefois, qui a été ensuite dans 40 ans et qui maintenant est dans au moins 50 ans. C'est-à-dire qu'il y a un horizon qui recule à vue d'œil. Donc je me demandais, est-ce que lorsque les Américains ont voulu partir sur la Lune, c'était le pari de Kennedy en 61, ils se donnaient donc une décennie pour y arriver. Ils n'avaient absolument pas la technologie pour le faire, mais ils l'ont développé parce qu'ils avaient simplement envie de se venger de la concurrence des Russes après la baie des cochons, etc. Est-ce que ce qui nous empêche d'y aller, c'est vraiment une faiblesse technologique, ou est-ce que c'est surtout un manque d'intérêt ou de volonté? Parce que si vraiment il y avait une forte poussée pour y aller, sur Mars, je pense qu'on aurait pu peut-être pas l'avoir fait maintenant, mais enfin le faire dans un avenir relativement proche. Merci, monsieur Alain Dupin. La réponse à votre question est extrêmement simple. Si aujourd'hui, les États-Unis consacraient la même part du budget fédéral à l'espace qu'ils l'ont fait en 1965, le budget de la NASA serait de 160 milliards de dollars par an. Bon. Et je vous assure une chose... Il faudrait que le budget soit... Non, j'ai pas compris, alors. Si vous voulez, c'était un véritable programme de guerre. Ah, d'accord. Le budget de la NASA, à l'époque... Le budget, à l'époque, a représenté 4% du budget fédéral. Ah, c'est gigantesque, oui. 4% 160. Du budget donc fédéral. Donc il faudrait que la NASA ait un budget de 160 milliards de dollars. Non. Aujourd'hui, si la NASA représentait le même effort pour les États-Unis que celui qui a été fait en 1965, c'est-à-dire si le budget de la NASA, ouais, c'était 4% du budget fédéral américain, on serait au-dessus de 200 milliards de dollars. Non, au-dessus de 200 milliards, d'accord. Donc, par an. Oui, j'ai bien compris, c'est bien ce que je dis. C'est-à-dire, attendez, c'est pas absurde, parce que aujourd'hui, vous avez un budget qui est nettement supérieur à ça aux États-Unis. C'est le budget du Pentagone. Mmh. Le budget du Pentagone, il est de l'ordre de 600 milliards de dollars par an. Oui. Bon. Mais aujourd'hui, la NASA aurait le tiers. Aujourd'hui, la NASA, c'est 17. C'est 20. 20 milliards, c'est ça. Une vingtaine de milliards, oui, c'est ça. Donc, ce serait 10 fois plus. Si vous voulez, quand un certain nombre de personnes, dont Wernher von Braun, vers 1969, ont jeté les bases de ce qui était le programme post-Apollo, ils se plaçaient dans la perspective où, non seulement, alors l'Amérique allait devenir de plus en plus riche, ce qui est le cas. Hein, aujourd'hui, l'Amérique est 5 fois plus riche qu'en 1960. Mais d'autre part, que la part consacrée à l'espace par l'État américain resterait très élevé, peut-être pas aussi élevé qu'en 65, mais resterait très élevé. Et c'est pas du tout ce qui s'est passé, puisque, je veux dire, en gros, le budget de la NASA, par rapport à la richesse américaine et au budget fédéral américain, ça a été divisé par 10. Bon, alors, donc il y a un effort financier gigantesque qui faudrait faire. Si les Américains ont pu aller sur la Lune dans ces conditions extraordinaires, et d'abord, ils étaient très bons techniquement, très bons sur le plan de l'organisation, mais ils avaient énormément d'argent. On l'est encore plus. Alors donc, là aujourd'hui, sincèrement, et je pense que vous donnez aux gens passionnés d'espace 200 milliards de dollars par an, dans 10 ans, on est sur Mars, parce que les problèmes techniques, d'accord, dans les problèmes techniques dont je disais, ils sont pas solubles. Aujourd'hui, ils sont pas solubles avec les budgets qu'on a. Voilà, si vous donniez 200 milliards de dollars quand George W. Bush disait on peut retourner sur la Lune en une dizaine d'années, si je ne me trompe pas. Ça, c'est... Attendez, je termine. En une dizaine d'années, en n'augmentant pas le budget de la NASA, c'était une vue de l'esprit ou c'était possible? Non, simplement, c'est que ce que vous feriez en 5 ans, si vous avez un très gros budget, vous le ferez en 15 ans si vous avez un budget plus petit. Et donc le programme Constellation, qui est le programme engagé par Bush pour retourner sur la Lune, donc après l'accident de Columbia, donc en 2004, eh bien, il a bénéficié pas du tout des mêmes conditions que celles qu'il y avait pour Apollo. Alors, d'un autre côté, les investissements faits au temps d'Apollo, ils sont toujours là. Je veux dire qu'on en bénéficie. Il y a un acquis, il y a un héritage. Donc il faudrait moins d'argent quand même. Mais il n'y a pas de mystère. Quand le programme Constellation a été conçu, d'ailleurs par un de mes amis qui s'appelle Doug Stanley, eh bien, bizarrement, il prenait 2 fois plus de temps que le programme Apollo et il coûtait aussi cher. Ça, 40 ans plus tard, et avec les technologies modernes dont on dispose. Il y a cherché l'erreur quand même. Hein. Alors, on a une question sur Twitter. Oui, c'est une tweeteuse qui est en Allemagne en ce moment, mais qui nous suit toutes les fois, qui demande ce que vous pensez du projet Mars One Project. Le projet Mars One. Alors, Alain Dupas et Richard Bonneville se consultent, se disent de quoi s'agit-il ? Mars One Project, le célèbre, vous voulez dire le célèbre Mars One Project, c'est ça ? Donc, Mars, M-A-R-S, One comme O-N-E. Ah, c'est le truc européen, dit Alain Dupas. Pour l'instant, nous n'en pensons pas grand-chose. Non, je vous en prie, Alain Dupas, allez-y. Non, je pense que votre tweeteuse parle d'un projet, d'un groupe d'Européens qui, d'une idée. Il me semble, qui se... Alors là, je parle sans avoir consulté sans filet. Quoi que ce soit. Il faut sans vérifier. Filet. Je pense que c'est en Hollande. Qui ont constitué en gros une association et qui veulent faire financer une mission de l'homme vers Mars par la publicité, les médias, etc. Donc c'est une initiative privée d'envoi d'hommes sur Mars. Alors autant je crois aux initiatives privées pour un certain nombre de choses, Mars c'est peut-être quand même un gros morceau à avaler. Mais je peux me tromper, mais je pense que c'est de cela dont il s'agit. Attrape-gogo ? Mais non, pas du tout. Je dis, vous pensez qu'ils sont sincères ? Ils sont là. Ils vont réunir 200 milliards de dollars. Non, j'ai pas dit qu'ils réussiraient. J'ai dit qu'ils sont sincères. Ça participe de ce dont je parlais tout à l'heure. Il y a un certain nombre de nos concitoyens sur cette planète qui ont envie d'aller sur Mars, qui sont prêts à imaginer des tas de manières d'y arriver. en particulier de faire ça de manière privée, en se débrouillant pour ramasser l'argent d'une manière ou d'une autre. Vous savez, la conquête de l'Amérique, en dehors des expéditions après les premières expéditions de Colomb ou quelques autres, ça a été financé de manière privée. Bon, je pense qu'ils sont tout à fait sincères. Ce sont des passionnés. C'est comme les membres de l'association Planète Mars en France, dont je suis, l'équivalent de la maison mère aux États-Unis. L'association Planète Mars de Robert Zubrin, ils ont envie d'y aller. Ils en rêvent. Ils pensent comment faire pour aller plus vite avec ces agences qui les retardent, qui font rien, qui traînent. Les agences nationales. Bon. Mais il faut... Je pense pas qu'ils vont réussir à accélérer les choses. Je pense que ce sont des mouvements extrêmement sympathiques qui témoignent d'un intérêt pour l'espace qui me paraît très... qui paraît tout à fait correspondre à une grande aspiration humaine. C'est pas sûr qu'une boisson énergisante arrivera à réunir les fonds nécessaires. Ah oui, je vois à quoi vous faites allusion. C'est qu'on avait Félix Baumgartner a réussi à faire un superbe saut de 36 000 mètres d'altitude avec, grâce à l'argent d'une boisson énergisante. C'est le même principe, mais ça ne suffira pas. Je crois que c'est ça. D'autres interventions. Monsieur. Alors... c'est très intéressant, on a parlé de science et d'exploration. Une solution pour l'exploration spatiale serait-elle pas l'industrialisation de l'espace ? Alors ça fait toujours très mal à tous ceux qui ont un peu un rêve idéal, mais je suis ingénieur et je constate que quand les entreprises privées voient qu'il y a du fric, elles investissent des sommes délirantes. Délirantes, c'est des dizaines, des centaines de milliards d'euros qui partent. Donc, pourquoi pas ? Voilà, c'est un peu ma question. Bah, qu'est-ce que c'est l'industrialisation de l'espace exactement ? Eh ben, justement, c'est un peu ma question. Qu'est-ce qu'il y a à industrialiser dans l'espace ? Pourquoi pas ? Je sais pas. La station spatiale, c'est un truc qui flotte là-haut. On a des tas de satellites qui tombent en panne systématiquement. Pourquoi on les répare pas ? On a parlé. Il y avait des rêves. La fusion nucléaire, que tout le combustible pour la fusion nucléaire, le tritium, se trouverait sur la Lune, l'exploiter. Et il y a des rêves et des délires. Peut-être d'ingénieurs, mais de ressources qui seraient disponibles sur les astéroïdes d'ailleurs. Pourquoi pas d'industrialisation pour trouver les moyens et pour pousser l'exploration. Après tout, c'est ça qui a fait aller les gens, je sais pas, en Amérique pour aller chercher des épices aux Andes, qu'ils n'ont pas trouvé, mais bon, c'est pas grave. Et ensuite en Amérique latine pour aller chercher de l'or. Qu'ils ont trouvé. Enfin, alors, dans l'espace, il y a déjà une présence, l'espace en général, une présence du secteur privé, hein, c'est les télécoms, les radiocoms, ça, ça marche, c'est rentable, il y a un effet de levier de 10 ou 20, il n'y a pas de problème. Ça marche tout seul, là, il n'y a pas besoin des agences pour envoyer les satellites de télécommunication et tout ça, c'est rentable. Alors, ensuite, il y a le système de lancement. On commence, c'est une initiative privée américaine, enfin privée entre guillemets parce que largement subventionnée quand même, pour confier au secteur privé l'accès à l'orbite basse. C'est Alain connaît bien ça. Hein, l'accès à la station spatiale internationale. L'accès à la station spatiale avec des sociétés comme SpaceX par exemple, qui a développé une famille de lanceurs, et puis qui une fois qu'elle aura assurer ses arrières avec l'assurance de desserte de la station spatiale, d'abord par des cargos, enfin de la charge utile, et ensuite par des équipages, pourra après d'ailleurs se tourner vers l'emport de satellites de télécom ou de n'importe quoi pour augmenter son carnet de commandes. Alors maintenant, vous pensez aller au-delà, je ne sais pas, chercher, exploiter les ressources de la Lune, des astéroïdes. Pourquoi pas ? On n'en est pas là. Il y a un traité de l'espace qui dit qu'on peut pas faire n'importe quoi sur les corps du système solaire. Hein. C'est comme l'Antarctique. On peut pas creuser sur un astéroïde ou sur la Lune. Mais bon, ça ne me paraît pas absurde de l'imaginer, hein, mais un horizon encore totalement indéfini, bien sûr. Il y a sûrement des ressources sur ces corps utilisables, peut-être. Mais aujourd'hui, avec les technologies d'aujourd'hui, ça coûte quand même plus cher d'aller chercher les ressources et de les rapporter sur Terre que de les vendre. Enfin, je veux dire, c'est pas rentable. Aujourd'hui, c'est pas rentable. Prenez les minéraux, des minéraux rares, des terres rares. ou des métaux rares, ils existent au fond de l'océan sous forme de nodules métalliques. C'est beaucoup plus facile à exploiter des nodules métalliques dans l'océan que d'aller chercher des métaux sur des astéroïdes ou sur la Lune. Et pourtant, aujourd'hui, on hésite encore. C'est pas encore rentable. Donc, peut-être qu'un jour, ça le sera, mais je crois que c'est une affaire de temps. Hein. Oh, oh, Michel Lascaux. Mon amour pour toi est comparable à une exploration spatiale. C'est une aventure sans fin, un voyage coûteux, sentimental et incertain, avec l'espoir de toucher un soir un coin de ta peau et de brûler Vénus dans ton enfer chaud. Waouh! Merci Michel. D'autres questions, interventions sur Vénus, sur l'enfer, d'autres choses? Bonsoir. Moi, je voulais savoir, vous disiez que sur la station, on faisait des expériences. Est-ce que vous pourriez nous dire rapidement de quel genre d'expérience il s'agit? Dans l'environnement d'un véhicule en orbite, de fait, on est dans une situation de quasi-impesanteur, hein, ce qu'on appelle la micro-pesanteur ou la microgravité. Donc ça permet d'étudier un certain nombre de phénomènes physiques qui, sur Terre, sont totalement masqués par les effets liés à la pesanteur. Ça peut être, par exemple, notamment en physique des fluides. L'étude des phénomènes supercritiques sur Terre est très difficile, justement, à cause de la pesanteur, parce qu'au voisinage du point critique, le fluide a tendance à s'écraser sous son propre poids. Donc, étude fondamentale sur les fluides. Étude fondamentale, mais qui ont également des applications, puisque dans un système spatial, de fait, il y a des fluides en impesanteur. Donc, c'est un peu le spatial qui peut être utile au spatial par ailleurs. Il y a des fluides sur la Station Spatiale Internationale, donc il y a des applications directes, là. Tout à fait. De même, alors... Les fluides, c'est par exemple les fluides qui permettent de refroidir la station, ouais. Ou les ergols, enfin les carburants, si on veut, des systèmes spatiaux. Par exemple, un lanceur, Ariane par exemple, lors de son lancement, traverse une phase balistique pendant laquelle les ergols se trouvent de fait en situation d'apesanteur. Et c'est important de pouvoir modéliser leur comportement, donc de pouvoir faire éventuellement des expériences en micro-pesanteur pour pouvoir prédire quels sont les modèles pour après optimiser le comportement des lanceurs. Et puis par ailleurs, il y a des expériences aussi des études en médecine, en physiologie, puisque on parlait tout à l'heure d'exploration habitée. L'absence de pesanteur a des effets importants sur l'organisme humain. Hein. Les fluides dans le corps sont distribués différemment, ce qui provoque un certain nombre d'effets. L'absence de pesanteur induit également une déminéralisation des os. Les muscles ne travaillent pas de la même façon. Donc si on veut pouvoir adapter le comportement de nos astronautes à de futures missions habitées, c'est important de pouvoir connaître la réaction de l'organisme à l'environnement d'impesanteur et éventuellement de mettre en place ce qu'on appelle des contre-mesures, c'est-à-dire des systèmes qui permettent de maintenir l'organisme en bon état, par exemple à travers des exercices physiques. Il y a une époque où on imaginait que sur la Station Spatiale Internationale, et c'est comme ça d'ailleurs qu'elle avait été vendue, on allait pouvoir fabriquer des médicaments, des nouveaux matériaux, qu'on aurait avec la Station Spatiale Internationale une sorte d'usine en orbite. Ça, ce sont des visions qui n'ont jamais pris corps. On parlait il y a 20 ans des milliards qui tomberaient à la suite des expériences en... On parlait d'usines, effectivement, en impesanteur, des usines spatiales. On n'a pas vu grand-chose arriver. Hein. Et dans ce genre de situation, j'ai tendance à évoquer la ruée vers l'or aux États-Unis à la fin du 19e siècle, où les seuls qui faisaient fortune, c'est ceux qui vendaient les pelles. Hein. D'autres questions? Alors, de ce côté-là. Bonsoir. Moi, je voulais vous poser une question par rapport à un projet dont on a beaucoup parlé, en fait, cet été. C'était sur une petite une petite sonde qui avait été lancée en 1975 qui était sur le point ou qui avait réussi à sortir du système solaire. Je voulais savoir où est-ce qu'elle en était actuellement. C'est de l'exploration, ça d'ailleurs. C'est quoi ? C'est les sondes Voyager, les sondes Pioneer ? C'est les sondes, oui, tout à fait. Bah, elle, effectivement, elle, depuis 20 ans, elle traverse le système solaire. Elle quitte le système solaire. Elle rentre dans cette zone où ce qu'on appelle le vent solaire, c'est-à-dire le flux de particules émis par le Soleil, va rencontrer le flux de particules émis par les étoiles voisines. Ben, elle sort du système solaire, mais elle continue à nous envoyer des données. Mais vous voyez, c'est pas très loin, hein, la bordure du système solaire, comme le rappelait Alain tout à l'heure. Et pourtant, ils ont mis 20 ans pour y arriver. C'est de l'exploration, ça ? C'est de l'exploration. Parce qu'on va là où on n'est jamais allé. C'est de l'exploration. Chercher des planètes extrasolaires, des planètes habitables, au bout du télescope, c'est aussi de l'exploration, même si on sait qu'il est très peu probable qu'un homme ne pourra jamais y aller. Un télescope spatial, pour vous, c'est aussi de l'exploration. Un télescope spatial, c'est de l'exploration. Quand Hubble est capable d'aller prendre des images des galaxies les plus lointaines, et puis de ce qui s'est passé quelques centaines de milliers d'années après le Big Bang, et où on voit des galaxies pour la première fois... C'est une forme d'exploration. De même, regarder un micro-organisme dans un microscope, c'est une forme d'exploration. Et les sondes Pioneer et les sondes Voyager, hein, qui au départ étaient faites pour aller faire un petit tour dans le système solaire et puis qui s'en vont aussi loin, elles ont d'ailleurs permis de découvrir des phénomènes tout à fait intéressants, puisqu'elles vont plus vite ou moins vite que ce qu'on imaginait. La fameuse anomalie Pioneer, oui, sur laquelle on a beaucoup glosé, oui, comme preuve, enfin, ou indice de l'existence de cinquième force. Je crois qu'on en est revenu et il y a malheureusement, pour les théoriciens, des explications beaucoup plus prosaïques. Ce sont des artefacts qu'on n'avait pas pris en compte. Des artefacts, ça veut dire des phénomènes. Hein, c'était lié en fait à l'électronique de bord, etc. On n'a rien trouvé en physique de nouveau avec ça. Je disais tout à l'heure, on a tendance à se focaliser sur Mars parce que c'est près. C'est une superbe planète. On a d'ailleurs plein de sondes autour en ce moment, dans une sonde européenne, Mars Express. Donc en ce moment, il y a deux rovers qui fonctionnent sur Mars. Il y a plusieurs satellites autour. Et donc, on se focalise vraiment sur Mars. Mais en fait, donc si la grande question, c'est la recherche de la vie dans le système solaire, parmi les découvertes effectuées, notamment par les voyageurs et puis par les sondes d'exploration des zones lointaines du système solaire qui ont suivi, Galileo, Cassini, on a découvert qu'un certain nombre de satellites des planètes géantes étaient peut-être des mondes, peut-être plus propices à l'apparition d'une vie microscopique que la surface, que Mars. C'est en particulier... Pourquoi ? Tout simplement parce qu'on a découvert qu'un certain nombre de ces satellites, qui sont quand même, pour certains d'entre eux, nettement plus gros que la Lune, c'est pas des petits astres. Ils sont petits par rapport à leur planète, mais ils sont assez gros. Vous disiez tout à l'heure Titan petit. Titan, ça va faire 5100 km de diamètre. Ouais, oui, c'est... C'est comme Mars. Eh bien, sont entourés d'océans, pour certains d'entre eux, qui sont évidemment couverts d'une masse de glace. C'est à Europe que vous pensez. Non, mais il n'y a pas qu'Europa. Il n'y a pas qu'Europa. On dit Europe en français. Il y en a d'autres. Il y a Ganymède apparemment aussi. Et donc, ça veut dire que si vous avez un océan, alors l'énergie qui maintient l'eau liquide, eh bien, elle vient de l'intérieur. C'est une source de l'énergie de l'intérieur de l'astre. Elle peut venir aussi d'interaction avec des champs magnétiques, etc. Toujours est-il que vous avez d'énormes quantités d'eau à l'état liquide, peut-être bien plus que sur la Terre, autour de ces astres, donc en particulier Europa et sans doute Ganymède. Vous avez d'autres astres comme Titan, où là, il n'y a pas la même situation. Vous n'avez pas une croûte de glace avec un océan d'eau dessous, mais vous avez effectivement des hydrocarbures, du méthane, etc., donc du carbone. Et évidemment, la dynamique des réactions chimiques dans un monde très froid serait lent, pas forcément propice. Mais je veux dire qu'il y a des régions lointaines du système solaire où, eh bien, on peut aussi aller pour rechercher la vie. Et là, ça pose des tas de problèmes techniques absolument extraordinaires. Par exemple, comment vous concevez une sonde qui va se poser sur Europa, faire un trou à travers la banquise et aller explorer un océan sous une banquise planétaire. C'est, eh bien, en ce moment, les ingénieurs réfléchissent à ce genre de choses. Mais je voudrais dire aussi une chose. On parlait tout à l'heure de technologie. Je vous dis, on n'a pas les technologies aujourd'hui pour aller sur Mars. Si vous me signez un chèque en blanc de plusieurs centaines de milliards de dollars, oui, je pourrais résoudre le problème rapidement. Mais on n'a pas non plus les technologies adaptées pour explorer Saturne ou Uranus. Pourquoi ? Ben parce que on n'a pas de programme d'utilisation de la propulsion de l'énergie nucléaire et de la propulsion utilisant l'énergie nucléaire comme énergie dans l'espace. Et on aurait besoin de ça pour aller autour de Jupiter. Donc on peut y aller. Mais de toute façon, toutes les sondes qui vont très loin, ouais, parce qu'on est loin ont du Soleil. Des sources d'énergie nucléaire. Parce qu'on est loin du Soleil et qu'il faudrait des panneaux solaires gigantesques. Non, c'est pas possible. Par exemple, on a été capable, malgré tout, d'envoyer une sonde vers une comète, une sonde européenne qui va se poser sur le noyau d'une comète avec un nom à coucher dehors en 2014. Churyumov-Gerasimenko. Mais il a fallu 10 ans de voyage. Si on avait, si on développait des sources d'énergie nucléaire pour l'espace qui apportent de l'énergie et qui peuvent aussi servir à la propulsion, eh bien on pourra aller beaucoup plus rapidement vers Jupiter et Saturne. On pourrait faire des expériences dans des conditions bien meilleures. Et ça éviterait ce qui paraît personnellement toujours ridicule. C'est par exemple, on veut partir vers Jupiter. On fait une sonde. On n'est pas capable de la lancer directement sur une trajectoire rapide vers Jupiter. Donc on la fait passer près de Mars, près de Vénus. Ça repasse près de la Terre. Puis à chaque fois, c'est un peu un effet de tremplin. A fini par avoir assez d'énergie pour partir vers Jupiter. Et le résultat, c'est qu'on met 10 ans pour y aller. Et moi, je trouve qu'il y a des tas de technologies qui sont nécessaires. Elles seraient d'ailleurs tout aussi nécessaires pour l'envoi de très gros robots ou de véhicules habités vers Mars. Et en particulier, il y a le nucléaire. Il se trouve que la France est un pays qui a des compétences très fortes dans ce domaine. Et je crois que c'est quelque chose là où l'on pourrait faire des choses très importantes. Alors, Excusez-moi, c'est un réacteur nucléaire qu'il faut ou c'est des RTG ? Ah non, les RTG, ça permet de fournir des systèmes. Attendez, on est bien d'accord. Ce sont des réacteurs nucléaires. Ah bah bien entendu. D'accord. Des RTG, ça fournit des petits nucléaires, parler les temps qui courent. Pas du tout. On a une sensibilité écologiste qui monte dans nos pays. Vous avez 70% d'électricité en France qui vient de réacteurs nucléaires. Peut-être pas pour longtemps, je vous rappelle que on est en train de... Il y a des pays qui les arrêtent et tout ça, quand même. Un réacteur nucléaire, quand vous le lancez dans l'espace, il n'est jamais passé par la phase qu'on appelle la divergence. Il n'a jamais été actif. Si c'est de l'uranium... On l'envoie alors qu'il n'est pas actif, mais on l'allume dans l'espace. Il n'y a aucun déchet, il n'y a aucun risque. On le met en marche dans l'espace. Et après, il peut fonctionner pendant des dizaines d'années. On ne pourra pas construire une véritable base sur la Lune si on n'a pas de l'énergie nucléaire. Même chose pour la planète Mars. Même chose pour la véritable exploration, je dirais, assez rapide des planètes lointaines. On a besoin d'énergie nucléaire. On va entendre Richard Bonneville. Juste sur ce sujet de l'énergie nucléaire. C'est vrai que ce serait très utile, formidable pour l'espace, etc. Mais les Américains et les Russes qui sont aussi assez bons quand même dans ces domaines-là, ne l'ont pas fait. Pourquoi ne l'ont-ils pas fait? Est-ce que c'est vraiment le moment? Alors, comme l'a rappelé Alain, déjà, les sondes, par exemple le robot Curiosity qui est actuellement à la surface de Mars, il a un générateur nucléaire à bord. Alors, c'est pas un réacteur nucléaire, c'est un RTG, mais enfin, c'est quand même quelques kilos de plutonium. Alors, on va expliquer exactement de quoi il retourne. Un RTG, c'est quelques kilos de plutonium, donc c'est de la matière radioactive. Et ce qu'on utilise là, en l'occurrence, c'est la chaleur dégagée. C'est la chaleur dégagée par la fission spontanée du plutonium. Et on utilise cette chaleur pour produire de l'électricité. Exactement. Donc, ça fait qu'on n'a pas besoin d'avoir des panneaux solaires. Formidable, très bien. Mais c'est que de la matière, il n'y a pas de fission à bord. Il n'y a pas de fission. Il n'y a pas une réaction en chaîne contrôlée comme il y a dans un réacteur nucléaire qui produit l'électricité ici ou dans un sous-marin. Alors, M. Dupin, lui, il appelle de ses voeux de la fission. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est possible? Ce serait évidemment formidable, techniquement, je dirais. Très utile pour l'exploration spatiale. Effectivement, si on veut mettre en place des bases habitées sur la Lune ou sur une autre planète, ou si on veut faire des voyages dans l'univers très lointain, c'est-à-dire disons au-delà de Mars, il sera nécessaire d'avoir des réacteurs nucléaires spatiaux. Je pense que c'est inévitable. On ne peut pas mettre d'éoliennes sur la Lune. On ne peut pas mettre d'éoliennes sur la Lune. D'accord. Le rendement est faible. Okay. Même sur Mars. Comme sur Mars. D'autres interventions ? Alors, monsieur. On a parlé ce soir d'exploration de l'espace et de stratégie internationale. J'aimerais juste qu'on s'attarde un peu plus pour information sur les Chinois et les programmes spatiaux. Alors, pour en savoir quoi ? Ce qu'on peut en apprendre. c'est une très bonne question. Alors, les Chinois, où est-ce qu'ils en sont ? C'est peut-être ça la question ? Ouais, très bonne question. Bon. Les Chinois, et le chapitre est ouvert. Les Chinois, en ce moment, sont en train, à marche forcée, de regagner le terrain sur les Russes et les Américains. Ils brûlent les étapes, volent dans l'espace, premier vol habité dans l'espace, rendez-vous en orbite, sortie extravéhiculaire, maintenant, bientôt, enfin, rendez-vous avec un véhicule en orbite, station spatiale dans quelques années, bientôt. Elle existe déjà, la station, enfin, alors, il y a déjà un module. Elle n'est pas habitée en permanence. Hein. Donc, la question, c'est, mais est-ce qu'on peut concevoir un programme d'exploration? On a dit qu'on le concevait comme un programme international sans les Chinois. D'abord, on peut se demander pourquoi est-ce qu'ils font ça tout seuls? Alors, parce que certains ne veulent pas d'eux. Ah, c'est ça. Il y a quelques années, les Chinois avaient demandé à pouvoir accéder à la station spatiale internationale. Et un pays, les Américains, ont mis leur veto. Pour quelle raison? Ah, c'est une bonne question. je crois que les Américains sont très sensibles actuellement à tout ce qui est possible transfert de technologie envers la Chine. Il y a en ce moment un durcissement de la réglementation, ce qu'on appelle le ITAR et EAR, c'est-à-dire l'exportation de composants ou de dispositifs, soit militaires, soit éventuellement duaux. Et le spatial fait partie des listes de systèmes. C'est très difficile maintenant de collaborer à un programme spatial avec les Chinois parce que un système européen a presque toujours des composants américains et les Américains mettront leur veto à l'exportation de ces composants si l'utilisation finale est avec les Chinois. Je crois que les Américains ont besoin d'avoir en permanence quelqu'un avec qui se mesurer. C'était la Russie dans les années 60. Aujourd'hui, ce sont les Chinois. Pour vous, le risque en matière d'espionnage industriel et technologique ne justifie pas qu'on les mette de côté à ce point-là. Il faut une raison psychologique comme celle que vous venez de dire, c'est-à-dire ils ont besoin, au fond, il y a ça aussi. Ouais. Alain Dupin. Je dirais qu'il y a quand même une certaine paranoïa américaine vis-à-vis de la Chine. Si aujourd'hui, il y a des réglementations aussi sévères que celles dont parle Richard et qui ne nous arrange pas pour les coopérations avec les Américains, très franchement. Avec les Chinois, vous voulez dire ? Non, avec les Américains. C'est-à-dire, j'ai pas compris. Les Américains ont mis en place une série de règles, c'est en particulier ce qu'ils appellent ITAR, qui fait que quand vous avez des échanges de technologies ou des échanges tout court, d'ailleurs, ça peut être des discussions, avec des scientifiques ou des ingénieurs américains sur des sujets qui sont dans une certaine liste, il faut passer par une série d'autorisations de contrôle invraisemblables. Et d'ailleurs, ça limite les possibilités des Américains eux-mêmes d'exporter. Je veux dire que les Américains ont mis des... Alors il faut savoir aussi s'ils ont mis en place ces barrières maintenant il y a plus de 10 ans. C'est parce que à la fin des années 1990, certains industriels américains ont commencé à beaucoup travailler avec les Chinois et en particulier leur ont passé certaines technologies pour leur permettre de lancer des satellites comme les satellites Iridium. Le Congrès est tombé là-dessus. Ce sont des satellites de communication. Oui, des satellites de communication qui ont été lancés en partie par des fusées chinoises. À la fin des années 1990, les fusées chinoises rentraient sur le marché international du lancement spatial. Je dirais que le Congrès a réagi extrêmement violemment. Les industriels ont eu des amendes considérables et du coup, d'ailleurs, plus personne n'ose vraiment travailler avec les Chinois. Alors notre sujet, justement, c'est la Chine. Donc, où est-ce qu'ils en sont? On voit qu'ils sont en train de refaire à marche forcée tout ce qu'ont réalisé les Russes et les Américains avant eux, avec une base, etc. Où est-ce qu'ils vont s'arrêter? Pas plus que les autres, ils s'arrêteront nulle part, mais on pense que... Ils veulent aller sur la Lune en 2020, c'est ça? Non. 2020, c'est la date à laquelle ils veulent avoir une station... une petite station spatiale, petite par rapport à la station spatiale internationale, qui est complètement mégalo, de toute façon. Donc une station qui sera à peu près comme la station Mir des Russes il y a quelques années. Et puis, effectivement, ils disent, mais ils n'ont pas pris de décision ni commencé à financer vraiment ça, qu'ils iraient volontiers, sur, certainement logiquement, sur la Lune vers 2025-2030. Alors cela étant, c'est pas du tout impossible. Les Américains l'ont fait en 1969. Hein, on est quand même qu'à plus de 40 ans plus tard. Et la technologie a énormément évolué. Donc ça sera beaucoup plus facile pour les Chinois d'aller sur la Lune en 2030 que ça ne l'a été pour les Américains en 1969. Richard Bonneville, oui. Dans les années 60, l'espace, c'est un lieu politique à double titre. D'une part, ça permet à certains pays d'affirmer leur capacité technologique. Et par ailleurs, c'est un lieu de coopération privilégiée. Et dans les années 60, il y avait le programme américain, le programme soviétique, et il y a eu cette mission Apollo-Soyuz, un rendez-vous spatial entre une capsule américaine et une capsule russe, qui a été en quelque sorte le symbole d'un certain dégel. Et on peut très bien imaginer que dans quelques années, il y ait de la même façon un dégel entre les Américains et les Chinois, et ce qui serait souhaitable et logique, ce serait que ce programme d'exploration internationale dont on parlait tout à l'heure se fasse effectivement avec les Chinois à bord. L'ISEG et le forum, il y a des Chinois ou il n'y a pas des Chinois? Les Chinois sont présents dans le forum, ils sont membres de l'ISEG, mais ils n'ont jamais mis les pieds. Ah, mais je croyais que les Américains ne voulaient pas d'eux et qu'ils n'y étaient même pas. Si. Ils en font partie formellement, mais pour l'instant, ils font la chaise vide. Ils font la chaise vide. C'est très curieux parce que les Américains apparemment ne veulent pas d'eux. Mais eux ne font pas beaucoup non plus d'efforts pour se montrer. Mais il faut dire aussi que les questions spatiales en Chine, elles sont tenues par les militaires. Donc j'imagine que ça n'aide pas beaucoup à la coopération. C'est une affaire de militaires. Hein, oui, mais vous savez, je dirais que même aux États-Unis, l'espace, c'est pas le Pentagone, mais c'est la même industrie. Ah, la NASA, c'est quand même civil. La NASA est civile. Elle a été voulue. La séparation civile-militaire a été voulue dès le départ aux États-Unis par le président Eisenhower, à tout à fait juste titre. Mais je veux dire, simplement, effectivement, la Chine, ça ressemble quand même beaucoup plus à ce qu'était l'URSS, où toutes les activités spatiales, y compris les vols habités et les programmes de recherche, étaient au sein du complexe militaro-industriel. C'est un peu comme ça en Chine. Mais je suis tout à fait d'accord avec Richard. L'une des choses qui est discutée dans ce l'ISEC, c'est l'ISEC-G, c'est pas facile à dire en français. Oui, l'ISEC-G, c'est le fait qu'il faudra développer des standards de manière à permettre des compatibilités. Alors ça, c'est très important. Ça veut dire, par exemple, que deux vaisseaux, qu'ils soient chinois ou qu'ils soient européens ou américains, eh bien, ils auront un système d'amarrage qui sera compatible. Ouais. Vous avez aussi la compatibilité. C'est pas simplement le système d'amarrage. Ça porte aussi sur les systèmes de télécommunication, tous les standards, etc. Donc je veux dire le fait que des systèmes différents, développés par des pays différents, puissent fonctionner ensemble, le cas échéant, se rejoindre. Alors, et ça, c'est extrêmement important si l'on veut pouvoir, à l'avenir, avoir un programme international coordonné. Alors, le cas de l'ISS est très particulier. C'est un programme complètement intégré. Intégré. Ça veut dire que c'est une seule maison dans laquelle il y a différentes pièces qui ont été fournies par différents fournisseurs. L'Europe, le Japon, le Canada, il y a différents éléments. Mais ils sont tous dans une même structure, avec des interfaces extrêmement précises. Ça a été un programme de construction, comme la construction d'un immeuble, très précis. On savait exactement là où allait cette telle pièce. Et une architecture d'ensemble. Tout travaille ensemble. Il y a une seule architecture, un seul réseau électrique, un seul réseau de communication. C'est vraiment intégré. La question qui se pose, c'est est-ce qu'on doit en rester à ce modèle. Alors là, effectivement, il y a un architecte. Alors, l'architecte, c'est la NASA. Ouais. Il y a un autre modèle, c'est par exemple celui d'ITER. Mais c'est aussi une seule installation. La différence, c'est que là, chaque partie construit vraiment ses, son morceau et puis on espère qu'il va bien fonctionner avec les autres. Mais le modèle de l'ISS a marché. Donc il pourrait certainement marcher, mais il y a un leader, il y a un architecte. Si vous voulez avoir quelque chose de plus, c'est ce qu'on appelle un système de système, c'est-à-dire d'une manière beaucoup plus dans laquelle chaque partenaire a un rôle beaucoup plus indépendant. C'est-à-dire comment travailler ensemble sans être complètement sous les ordres d'un seul chef de chantier. Et c'est ça la question. Alors déjà, il faudra absolument effectivement que vous ayez des standards communs. Il n'y a pas de raison que les Chinois ne partagent pas ces standards. Ça, je crois que c'est une première chose. Et d'autre part, on peut imaginer un système beaucoup plus décentralisé dans lequel la Chine, par exemple, a une capacité de transport sur la Lune et y dépose des charges. L'Europe dépose des éléments de stations indépendants. Et puis les Américains font leurs choses. Mais tout le monde travaille ensemble, mais chacun a la maîtrise de son propre système. D'accord, j'ai compris. Il faut simplement que globalement, ça marche. Tout ça constitue malgré tout un projet commun. Ouais, mais il y a un projet commun, mais il n'est pas sous la coupe d'un seul leader. Donc chacun l'ISS, il n'y a pas de doute, c'est un programme américain chacun avec a des partenariats. Particulières, voilà. Chacun a des missions particulières au service d'une grande mission globale. Richard Bonneville, vous vouliez ajouter quelque chose ? Non, justement, je voulais aller dans le même sens qu'Alain. La station spatiale, c'est un objet. Et un objet spatial, il faut qu'il y ait quelqu'un au volant. Les missions spatiales où on dit une mission isolée où on dit 50-50, ça marche pas. Il faut toujours qu'il y ait un major partner et un junior partner, quelqu'un vraiment qui soit aux commandes et qui spécifie les interfaces. C'est ce qui s'est passé avec Ariane. Hein. Si Ariane marche bien, c'est parce qu'il y avait le CNES, si je peux dire, à la commande. Mais avant, on a essayé des fusées qui s'appelaient Europa, oui. Où chacun faisait un étage de la fusée et puis il y avait personne pour coordonner l'ensemble. Il faut un architecte système. Les fusées Europa, elles marchaient pas. Alors, l'exploration, c'est pas ça. L'exploration, d'abord, c'est pas une mission, c'est un ensemble de missions. Et sur chacune de ces missions, le chef d'orchestre peut être différent. Il peut y avoir un pilote, russe pour une mission russe, un pilote américain pour une mission astéroïde, avec évidemment des participations croisées. Mais chaque élément doit avoir son pilote. Et ce qui est nécessaire, c'est qu'il y ait ce que tu appelais un système des systèmes. Et en fait, je vois ça comme un endossement politique de cette vision globale. Alors voilà quelle forme pourrait prendre cette coopération internationale. Est-ce que d'autres personnes voudraient poursuivre la conversation ? Non ? Tout est clair ? Monsieur. Bonsoir. Je voulais vous savoir, pour vous, quel serait le rôle des scientifiques dans la diffusion en fait, de notre culture, de la culture terrestre, et justement, quelle culture choisir dans l'exploration, et non pas forcément la conquête, pour quelle culture à diffuser. On parlait tout à l'heure des Chinois, des choses comme ça. La Terre représente énormément de cultures différentes, donc je pense qu'on ne peut pas, que ce soit les Européens, les Américains ou les Chinois, choisir de s'exporter en utilisant que sa propre culture. Donc comment faire pour imposer un petit peu ça au monde scientifique? Est-ce que c'est le rôle des scientifiques? Est-ce que justement c'est plus politique de savoir quoi faire? Je repensais en fait à un petit dessin que j'avais vu à l'époque où le robot sur Mars s'est posé, où il y avait deux martiens entre guillemets qui se cachaient derrière un caillou et qui, en voyant le rover avec le drapeau américain, disaient j'espère qu'on n'a pas de pétrole quoi. Voilà, c'est un petit peu ça, savoir quel est le rôle des scientifiques par rapport à ça. Voilà. Est-ce que, au pire, de se freiner tant que, on va dire, l'espèce humaine, entre guillemets, n'a pas réglé ses conflits internes avant de les emmener ailleurs, quoi. La coopération scientifique internationale marche très bien. On citait le CERN tout à l'heure. Le CERN, il y a les Européens, il y a les Japonais, il y a les Américains. C'est vraiment un projet global et il n'y a pas de culture dominante. On arrive à travailler tous ensemble. On travaille tous avec ensemble. Des cultures différentes. Il n'y a pas de particules, de physique des particules couscous ou de physique des particules jambon beurre. La science transcende ce genre de particularisme. Et je pense, je reviens à ce que je disais tout à l'heure sur la nécessité d'un endossement global, il est nécessaire qu'un forum politique trace des objectifs communs. Après, c'est aux scientifiques, aux ingénieurs, aux techniciens de mettre ça en musique. Et ils y arriveront très bien. Ah, du pas. Oui, c'est... Je voudrais dire quand même une chose. Richard et bon, on est tous les deux des scientifiques, des physiciens d'ailleurs. Je crois qu'une des choses quand même qui est... D'ailleurs, un véritable héritage de ce qui s'est passé dans notre civilisation, c'est l'universalité de la science. Il n'y a pas de science japonaise, il n'y a pas de science chinoise. Alors après, il peut y avoir des approches différentes de certaines choses. Par exemple, il est clair que la Lune, qui n'est pas seulement... Ou Mars, qui ne sont pas des objets purement scientifiques, mais qui sont des objets... qui ont joué un très grand rôle dans le développement des civilisations. La perception est différente. Par exemple, je suis toujours frappé de voir au Japon à quel point les Japonais ont une espèce d'attirance vers la Lune. Aussi, une autre chose qui est assez curieuse. Nous, dans notre culture, le robot, et depuis un certain, en particulier à cause de la littérature, depuis le 19e siècle, le robot n'est pas quelque chose de sympathique. Si vous allez au Japon, ça a été une mutation, R2D2, c'est vrai. Mais avant, Frankenstein, c'était autre chose. C'est donc dans notre culture, le robot fait un peu peur. Je veux dire, occidental, vous allez au Japon, le robot est au contraire considéré comme quelque chose d'extrêmement sympathique et positif. Ce sont des petites différences. Et donc, il est tout à fait possible, par exemple, que dans la répartition des tâches, qui serait celle d'un programme international dont il faudrait définir la gouvernance, même une gouvernance assez souple, d'exploration du système solaire, que certains pays aient plus envie d'aller sur Mars, d'autres vers Jupiter ou d'autres sur la Lune. Même aujourd'hui, par exemple, il est manifeste que l'Europe n'a jamais fait un gros effort dans l'exploration de la Lune, même avec des robots. De ce point de vue-là, je ne mets pas du tout l'Union soviétique et la Russie dans la même culture, je dirais, spatiale que l'Europe occidentale. L'Europe occidentale, vous regardez, on a eu une sonde lunaire jusqu'à présent, qui était une sonde technologique pour mettre au point la propulsion électrique, s'appelait Smart One. Point. Les Russes en ont eu énormément. Ils ont ramené des échantillons. Les Américains ont été sur la Lune, ont en ce moment plusieurs satellites. Les Chinois, les Indiens ont mis des satellites, mais les Européens, non. Il y a l'intérêt pour la Lune. Donc c'est une différence culturelle. Ça peut se retrouver ailleurs. En revanche, je pense par exemple que l'intérêt pour la recherche de quelque part, disons, d'expériences, pour des expériences qui permettraient de mieux comprendre comment la vie a pu apparaître dans le système solaire, je pense que c'est universel. Mais sur les priorités, en Europe, il y a une particularité, c'est que les programmes d'exploration sont largement dictés par les enjeux scientifiques. Je veux dire, ce ne sont pas les seuls enjeux. Mais on admet qu'on ne peut pas faire un programme d'exploration qui aille contre les intérêts ou les priorités de la communauté scientifique. Or, quand on voit les objets du système solaire, les objets proches, ceux où on se dit qu'un jour on pourra peut-être y mettre l'homme, il est certain que de tous ces objets, scientifiquement, c'est Mars le plus intéressant. Donc on dit la priorité, pour nous, Européens, ça doit être d'aller sur Mars. Alors que pour d'autres pays, il y a d'autres enjeux qui sont peut-être... plus important, que ce soit des enjeux technologiques ou politiques. D'autres questions ? Mademoiselle. Question donc d'un tweetos qui demande que deviendra l'ISS en 2020 ? Que deviendra l'ISS ? Quels sont les scénarios possibles ? Alain Dupas sourit. Oui. Le Pacifique. Alors, le Pacifique, ah oui. Le Pacifique. Tu veux... Ça, c'est le souhait de Richard Bonneville ou c'est la prévision inéluctable, dit Richard Bonneville. On n'est pas forcément là sur ce point tout à fait d'accord avec Richard. Mais je vous ai dit, je considère quand même que le problème, un des très gros problèmes que l'on a aujourd'hui, c'est que les États-Unis, qui sont la puissance spatiale numéro un, en particulier pour les vols habités, ainsi que pour l'exploration robotique. Je veux dire que les rapports budgétaires entre nous et eux, c'est 10. Et c'est pareil pour le Japon. Donc c'est quand même eux qui ouvrent la voie. Et pendant 40 ans, je veux dire qu'ils se sont trompés. Ils ont pris... ils se sont engagés sur une branche d'autoroute qui était un cul-de-sac. Bon. Et au bout de ce cul-de-sac, actuellement, malheureusement, il y a la Station Spatiale Internationale qui est un objet intéressant où on peut faire des recherches. Et je suis plus optimiste que Richard. Mais vous savez, en science, il ne faut pas être optimiste ou pessimiste. Il y a des résultats où il n'y en a pas. Donc je pense que, compte tenu du niveau technique de la station, on peut espérer avoir des résultats. En particulier, il y a quand même aussi quelques expériences sur les rayons cosmiques qui sont pas forcément... il pourrait y avoir de l'intérêt. Les rayons cosmiques... Sur la matière et l'antimatière aussi, il y a une expérience. Oui, enfin, en particulier sur... en ce moment, il y a les grosses questions de matière noire qui se posent. On ne sait pas trop ce que c'est. Mais le CERN, c'est magnifique. Mais certains rayons cosmiques ont une énergie bien plus considérable que tout ce que l'on peut créer au CERN. Donc il y a une expérience... Il y a une expérience de physique des particules à bord de la Station Spatiale Internationale qui pourra peut-être donner des résultats. Mais bon, je veux dire que malgré tout, on est parti pour faire de l'exploration avec Apollo et on se retrouve avec un laboratoire dont on n'est pas sûr qu'il serve à quelque chose et qui certainement n'ouvre pas vraiment la voie pour aller plus loin. Donc ça fait 40 ans de perdu. Je pense que si les Américains avaient pris de meilleures options en 73 alors, puis ensuite... Que ça se termine 85, vite alors, c'est ça l'idée? Alors, maintenant, il faut terminer. Il ne s'agit pas que ça se termine vite. On a investi. Il faut en tirer le meilleur parti. D'accord. L'avenir, c'est le Pacifique. Un jour ou l'autre, un des scénarios possibles, c'est après 2020, tout le monde regarde au fond de ses poches et voit qu'il n'y a plus un sou. Si on veut faire autre chose, et effectivement, on peut la détruire comme Mir a été détruit. On peut peut-être aussi faire ce que l'on a fait avec certains pavillons Baltar. Ils avaient été construits pour une chose et on les a transformés, on fait autre chose avec. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? En faire, par exemple, la réduire en dimension, en faire un système qui est financé essentiellement par des organisations de recherche et non pas par des organisations spatiales. Mais vous savez, après tout, on peut prendre un fer à souder et puis commencer à découper, à la réorganiser. Est-ce qu'on considère que c'est un objet qui peut pas évoluer ou est-ce qu'on peut le faire évoluer? C'est pas sûr qu'on puisse le faire évoluer. Le faire évoluer pour faire quoi alors? Par exemple, pour devenir un vrai laboratoire où on travaille non pas sur la micro, enfin, on travaille sur la microgravité, mais essentiellement pour préparer les vols de l'homme vers Mars. Et là, il y a quand même pas mal de choses à faire sur le plan biomédical. Mais ça n'a pas besoin d'être aussi gros. Donc est-ce qu'on la réduit? Est-ce qu'on la transforme? Est-ce qu'on fait autre chose? Est-ce qu'on la vend? C'est-à-dire, est-ce que après tout, il y aurait des investisseurs privés qui diraient, oui, on veut l'exploiter. Comme un hôtel dans l'espace. Mais ouais. Un hôtel, je crois beaucoup plus à des laboratoires, à des petits ateliers, si on trouve des choses intéressantes à faire en biologie, en matériaux, en nanotechnologie. Si on trouve, je veux dire qu'il faut, moi j'ai tendance à dire, il faut lui laisser un peu sa chance. Maintenant, sa chance, ça peut pas durer éternellement comme c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, tout le budget orienté vols habités de l'Agence spatiale européenne va sur la station. Même chose au Japon. Les seuls qui ont les moyens de faire autre chose sont les Américains. Et encore, comme la moitié de l'argent va à la station, ça diminue, en disant, par deux leur potentiel de développer des programmes d'exploitation. Donc je ne sais pas. À votre question, je dirais 2020, c'est pas si loin que ça. Les Américains et les Russes considèrent que la station... Sur le plan technique, un peu comme on dit, une voiture peut durer elle peut durer jusqu'en 2028. Pourquoi faire? À quel prix? Si on réduit pas les coûts, s'il n'y a pas des résultats intéressants, s'il n'y a pas des gens qui ont envie d'investir ou de l'utiliser, franchement, c'est un labo. Ce labo, s'il est intéressant, il doit être financé en France par le CNRS, en Allemagne par... par l'organisme de recherche allemand, aux États-Unis par la NSF. Si on n'a pas ça, c'est-à-dire qu'il faut trouver une porte de sortie. Si personne en veut, on la détruira. Question. Les Américains ont donc renoncé à aller installer une base sur la Lune. Et la prochaine étape pour eux, c'est plutôt d'envoyer des hommes, peut-être autour d'un astéroïde, peut-être sur un point de Lagrange. Ça ressemblerait à quoi un voyage vers un astéroïde ou vers un point de Lagrange. C'est quand même très loin sur un astéroïde, quoi. On va aller s'y poser, mais il y a une gravité qui est extrêmement faible. Donc, est-ce qu'on peut rester au sol ou est-ce qu'on tourne autour de l'astéroïde? Et puis, un point de Lagrange, c'est... Il faudra peut-être expliquer d'ailleurs ce que c'est un point de Lagrange. Alain Dupas. Non. Spécialiste du point de Lagrange, Alain Dupas. Non. Lagrange est un grand mathématicien français. C'est celui qui a vraiment complété, je dirais, et enrichi l'utilisation des équations de Newton. Je veux pas le point de Lagrange. Je vais y revenir. L'astéroïde, personnellement, je vous dirais que, et c'est ce que pense un certain nombre de mes amis bien placés aux États-Unis, Obama, quand il a été élu. Il n'a pas voulu faire ce que Bush faisait. Donc c'est ça, Bush, sa motivation. La Lune. Sa motivation, c'était je ne veux pas faire Mars, comme Bush. Il est bien évident, ça quand même que c'est un pas peu loin. Suite. En particulier, ça risque pas d'engager beaucoup de choses dans son propre mandat ou ses propres mandats. Donc il a été réélu et il s'est fourvoyé en disant on va envoyer des hommes vers un astéroïde parce que franchement. Les astéroïdes, ça va être des objets qui vont faire quelques dizaines de mètres. Quand vous lancez vers un astéroïde, vous le voyez pas, l'astéroïde, parce qu'il est encore très loin. Il va se rapprocher. Vous faites un rendez-vous. Si par hasard, entre-temps, il s'est désintégré, vous allez vers nulle part. Et sur le plan scientifique, autant avec des sondes automatiques, je pense qu'on peut faire des belles choses. Les Japonais ont commencé à le faire avec des astéroïdes, envoyer des hommes vers un astéroïde. Je trouve que c'est complètement absurde. Et aux États-Unis, il y a des gens qui commencent à dire « Oui, au fond, c'est absurde. Mais on va aller sur la Lune. » Ça ressemblerait à quoi? Si, j'ai bien compris. Hein. Oh, bah, c'est absurde, alors là, mais... franchement, c'est imaginer. Vous partez, vous passez 3 mois dans une boîte de sardines. Et au bout de 3 mois, vous rencontrez... Vous avez lu Tintin Objectif Lune. Je crois que tout le monde a vu la Lune. Ici. Bon, oui, là, vous avez vu le capitaine Haddock qui, à un moment, quitte la fusée. Il y a un astéroïde qui passe où il y a un petit objet, un petit caillou. C'est un caillou, pas très gros. Et en plus, vous savez, moi, ça m'a beaucoup amusé. J'ai vu mes amis scientifiques américains faire des listes d'astéroïdes pour se dire bon sang, mais vers lequel on va pouvoir aller. Celui-là, il fait quoi, 30 mètres de diamètre. Ouais, et puis il faut combien de temps pour y aller? Typiquement, une mission, c'est 1 an. Pour la raison que disait Richard, c'est de la mécanique céleste. Donc vous quittez la Terre, vous vous éloignez un peu de la Terre, vous croisez un rocher qui va être... dans quelle direction, alors? Qui va être plus... Il vient vers vous, Vous croiser, il va assez lentement, parce que ce sont les astéroïdes qu'on cherche, les astéroïdes qu'on appelle proches de la Terre, c'est-à-dire qu'ils sont sur des orbites qui sont pas très différentes de celles de la Terre, et leur vitesse relative à la Terre et à l'objet venu, au vaisseau venu de la Terre est pas trop grande. On se met en orbite autour? Mais très franchement, l'astéroïde, il va être plus petit que le bâtiment de la Samaritaine. Alain Dupin, on se met en orbite autour de la Samaritaine ou pas? On se met, vous mettre en orbite, c'est un grand mot. Non, on l'accompagne. Vous ancrez. S'ancre. Mais oui, vous vous ancrez, et puis, je veux dire, relisez Tintin. Moi, j'ai fait une conférence aux États-Unis. Mais alors, l'homme, il reste. J'ai montré ça. Il va se poser, il va aller fouler le sol de la Terre. On m'avait invité à faire une conférence, justement, dans une conférence sur, des voyages vers les astéroïdes. Moi, je lui ai dit, mais nous, on l'a déjà fait en Europe. Enfin, il y a Tintin, regardez, j'ai passé les planches de Tintin. Mais franchement, c'est pas intéressant. On marche, sur l'astéroïde ou pas? Mais non, on marche pas. Il y a pas de pesanteur. Il y a pas de pesanteur, donc. Mais vous déplacez avec des grappins. En tenant des grappins, un peu comme se déplacent les astronautes. Pour dire, j'y suis allé. À côté de la station. Pour dire, j'y suis allé. Mais c'est, sur le plan scientifique, ça va pas être bouleversant. Vous savez, j'ai regardé le dernier programme que j'ai vu d'envoi d'un vaisseau Orion vers un astéroïde, addition, vaisseau Orion, c'est le vaisseau 2025, total 110 milliards de dollars. 110 milliards de dollars pour aller passer à côté d'un caillou, ça fait beaucoup. Alors, je pense aux États-Unis, c'est en train de revenir à de meilleures intentions, si je puis dire. Obama, peut maintenant, c'est 2 ou 3 ans après son discours où il a parlé d'un astéroïde, on peut l'oublier. Mais alors, sur la Lune. Et avant d'aller sur la Lune... Vous voulez sur la Lune. Vous êtes en train de me dire qu'on va revenir à ce que... Oui, bien sûr. Ah, vous savez, il y a... Vous êtes d'accord, Richard Bonneville? Ils vont revenir sur la Lune, là? Je ne sais pas. Ah. Je voulais juste dire un mot là, à propos des astéroïdes. En fait, quand on dit astéroïdes, il y a les astéroïdes, effectivement, qui passent près de la Terre, les géocroiseurs. Mais en fait, il y a les petits corps en général. Et il y a un type de petit corps qui est peut-être plus intéressant que l'astéroïde lambda, le caillou. C'est par exemple les satellites de Mars, Phobos et Deimos. Ce sont des petits corps On met 6 mois pour y aller, 6 mois pour revenir. Et là, ça a un intérêt parce que... De se poser dessus ? De se poser dessus, oui. Tout oui, oui, d'accord. On peut, je ne sais pas si à partir de ces objets-là, on pilote des robots sur Mars, mais ce sont des missions dans l'espace lointain avec un intérêt scientifique, puisque l'origine de ces objets pour l'instant est totalement inconnue. Hein. Et c'est une bonne étape préparatoire à des futures missions sur Mars, que, encore une fois, on ne sait pas faire, parce qu'on sait se poser sur Mars et on ne sait pas remonter. Après, il y avait plein de Lagrange. Ben, c'est quoi les points de Lagrange ? C'est effectivement dans le système Terre-Lune, comme d'ailleurs dans le système Soleil-Terre, il y a des points qui ont une position particulière sur le plan de la gravité. Il y en a un qui est bien connu, parce que là, c'est Jules Verne. C'est le point de Lagrange qui est entre la Terre et la Lune. C'est le point d'équilibre entre la gravité terrestre, l'attraction terrestre et l'attraction... Point de Lagrange. Donc, si vous lisez Jules Verne, juste un mot. Vous avez un beau dessin. C'est là où Jules Verne imagine qu'il y a de la pesanteur, alors qu'il y en a évidemment tout le long de la trajectoire, mais... Le point de Lagrange, c'est entre la Terre et la Lune, par exemple, ce point de Lagrange-là, c'est l'endroit où les attractions s'équilibrent, et donc où moi, étant au point de Lagrange, je suis autant attiré par la Lune que par la Terre. Donc c'est un point d'équilibre. C'est surtout un point qui reste fixe par rapport à la Terre et à la Lune. Et donc, par exemple, si vous y mettez... C'est une très vaste zone, parce qu'en fait, c'est une très vaste zone où... Si c'est un point de Lagrange stable, vous avez une très faible attraction vers ce point de Lagrange. Quel est l'intérêt d'y envoyer un homme ? L'intérêt, c'est... Si vous voulez faire des bases... Il peut être intéressant, quand vous allez sur la Lune, eh bien, d'avoir un point d'arrêt, si vous voulez, une gare, quelque part. Et ça, un point de Lagrange entre la Terre et la Lune. Et puis, il y a le même de l'autre côté de la Lune. Donc, c'est un point de stabilité. Ça s'appelle L1. Donc, quel intérêt ? J'envoie des hommes là-bas. Pourquoi ? Vous envoyez pas des hommes. Vous mettez une infrastructure. C'est-à-dire, c'est exactement la même chose. C'est le garage. C'est un garage. C'est aussi un endroit où on va... Vous savez, la Station Spatiale Internationale, c'est une infrastructure qui est autour de la Terre. Là, vous mettez une infrastructure près d'un point de Lagrange, alors L1, ou maintenant on pense plutôt mettre autour de L2, qui est la même chose, mais de l'autre côté, il y a un autre point de Lagrange qui est de l'autre côté de la Lune, sur la trajectoire, sur la ligne plutôt Terre-Lune, mais à peu près 80 000 km de l'autre côté. Mais l'intérêt, c'est que quand vous êtes près de la... Quand vous êtes dans l'ISS, on dit « Ah, c'est les conditions de l'espace ». Non, c'est pas les conditions de l'espace interplanétaire, parce que heureusement d'ailleurs pour nous, eh bien, il y a une espèce de protection magnétique de la Terre qui s'appelle la magnétosphère, et la Station Spatiale Internationale est toujours dedans. Donc, et puis il y a pas, elle est même à l'intérieur, vraiment, elle est très bien protégée, donc il y a, sur le plan des radiations, on n'est pas du tout dans les mêmes conditions que si on va vers Mars. En revanche, si vous êtes sur la Lune ou autour d'un point de Lagrange, près de la Lune, eh bien, vous passez une bonne partie du temps exactement dans les mêmes conditions que si vous alliez vers Mars. Donc, on va apprendre beaucoup plus pour préparer les voyages. Maintenant, c'est une gare. On peut imaginer, la question avait été posée tout à l'heure, que par exemple, eh bien, on extrait des propergols de la Lune. Et on construit une navette. On peut faire, à partir de l'eau de la Lune. De l'eau ou bien des roches. Hein. D'accord, produire des ergols, c'est-à-dire du carburant. En tous les cas, de l'oxygène, il y en a dans tous les rochers lunaires. Et on a besoin d'oxygène. Voilà. Et l'hydrogène, il y en a effectivement peut-être près des pôles lunaires. Mais en tous les cas, imaginons, vous avez un système différent du système auquel on pense maintenant. Vous avez sur la Lune une usine d'extraction, une petite usine d'extraction d'oxygène ou d'hydrogène. Vous faites des propergols. Ces propergols, vous les utilisez pour alimenter donc une navette. Cette navette part de la Lune, va au point de Lagrange, et puis après redescend sur la Lune, etc. Et puis de la même manière, vous avez des véhicules qui viennent de la Terre jusqu'au point de Lagrange. Si vous voulez, c'est vraiment un point d'échange, un point intermédiaire. Et vous pouvez imaginer que vous allez y assembler un vaisseau martien que vous allez montrer avec des propergols qui seront extraits de la Lune. Vous pouvez avoir le début d'une économie spatiale. Et je pense que si on veut vraiment construire une base lunaire, il faudra, ça sera, on va pas à chaque fois construire un vaisseau et le jeter. Donc une navette qui fasse effectivement de vraies navettes entre le sol de la Lune, un point de Lagrange, c'est intéressant. Maintenant, il y a un point de Lagrange où il y a déjà des milliards de dollars de matériel. Il n'est pas du système Terre-Lune, il est du système Soleil-Terre, parce que de la même manière, entre le Soleil et la Terre, à 1,5 million de kilomètres de la Terre, il y a un point, il y a une zone, un point de Lagrange, où eh bien, si vous mettez un satellite, un observatoire, eh bien, il va rester dans la même position par rapport à la Terre, pour permettra de communiquer, et au Soleil, ça permettra d'observer le Soleil. Donc vous avez un point de Lagrange entre la Terre et le Soleil, et là vous avez des observatoires d'études du Soleil, et puis de l'autre côté, les télescopes spatiaux, de l'autre côté, à 1,5 million de kilomètres de la Terre, dans la direction opposée au Soleil, vous avez un point qui s'appelle L2, que les astronomes, et ça c'est vraiment une constatation de la communauté scientifique, ont considéré être le meilleur lieu pratiquement dans l'univers pour mettre des observatoires. C'est là où sera mis James Webb, mais aujourd'hui... James Webb, c'est le télescope qui succédé prendra à Hubble. La suite de Hubble. Ouais. Hubble est en orbite basse. Ce télescope James Webb sera à 1,5 million de kilomètres. Pourquoi ? Parce que sur le plan thermique, sur le plan... je dirais, de tout l'environnement, c'est un environnement extrêmement favorable pour mettre des objets, des observatoires. On a des observatoires européens qui sont là. Hein, et aujourd'hui, la valeur des objets qui sont là et qui travaillent, qui transmettent des informations aux astronomes, c'est déjà des milliards de dollars. Et James Webb, tout seul, il va en faire 10, alors. Donc vous avez des endroits dans le système solaire qui sont pas matériels, mais qui ont un très grand potentiel. C'est des lieux. C'est un peu l'équivalent d'aller de Détroit sur la Terre pour la navigation maritime. Un peu d'histoire, alors. Allô, ici fusée lunaire. Le moteur atomique vient de s'arrêter, remplacé par le moteur auxiliaire. C'est inouï, c'est prodigieux, c'est incroyable. Dire que dans quelques minutes, ou bien nous serons tous morts, ou bien nous marcherons sur le sol de la Lune. Oh, oh, quel spectacle hallucinant! C'est comment vous le décrire? Un paysage de cauchemar, un paysage de mort, effrayant de désolation. Pas un arbre, pas une fleur, pas un brin d'herbe, pas un oiseau, pas un bruit, pas un nuage. Je descends à présent les échelons qui courent le long du flanc de la fusée. Ça y est, j'ai posé le pied sur le sol de la Lune. Pour la première fois, sans doute depuis qu'elle existe, on a marché sur la Lune. Mais déjà, je ne suis plus seul car le capitaine Haddock vient me rejoindre. Bon, il est déjà tard. On est en train de s'acheminer vers la fin de notre soirée. Peut-être une dernière question. Oui, c'est par rapport à la distance qui reste à faire encore pour protéger les gens quand ils voyagent. Vous avez parlé des conditions d'irradiation quand on est au point de Lagrange ou sur la surface de la Lune. Les gens du programme Apollo, est-ce qu'ils avaient de la chance de pas y rester très longtemps ou est-ce qu'on savait déjà un peu les protéger quand même? Les gens du programme Apollo ont eu de la chance. Mais ils ne sont pas restés longtemps. D'abord, les missions étaient courtes, mais on sait que quelques mois après... les dernières missions qui s'est déroulée en décembre 72, il y a eu une énorme éruption solaire quelques mois plus tard. Et si les astronautes avaient été en voyage vers la Lune, ils seraient morts. Parce qu'il n'y avait pas de protection particulière. En plus, vous savez que l'activité solaire évolue dans le temps. Il y a avec un cycle de 11 ans, il y a des minimums d'activité, il y a moins d'éruptions, il y a des maximums d'activité. C'est peut-être ça étant. Il faudra trouver, quand vous partez vers Mars, ou si vous allez vers un astéroïde, pendant plusieurs mois, s'il y a une éruption solaire, il faut mieux qu'il y ait une espèce de coffre-fort avec des parois métalliques très épaisses, capables d'arrêter les rayonnements de très haute énergie. Et vous allez passer quelques heures dans... Là, ça, c'est vraiment une bosse à sardines. pour survivre. Cela étant, comme vous ne serez pas tout le temps protégé, il n'y a aucun doute, pendant un voyage martien, les astronautes recevront des doses de radiation qui sont ce qu'on autorise en limite pour les professionnels de l'industrie nucléaire. Il n'y a pas de mystère. Et même aujourd'hui, très franchement, même si, dont je le disais, l'orbite basse est protégée, les astronautes en orbite reçoivent quand même beaucoup plus de radiation qu'un individu normal, en particulier des ions lourds du rayonnement cosmique. Mes amis astronautes me disent, de temps en temps, j'étais réveillé quand je dormais parce que j'avais un flash de lumière dans l'œil. J'avais un flash dans l'œil et c'était quoi? C'était un ion du rayonnement cosmique qui traversait un bâtonnet de la rétine. Et il n'y a pas de doute, ce bâtonnet, il était détruit. Vous avez aussi, il n'y a aucun doute, qu'ils ont des destructions de cellules cérébrales qui sont supérieures. Si vous voulez, il y a certains rayonnements de très haute énergie dans les rayons cosmiques qui ne sont pas arrêtés par la magnétosphère terrestre. Donc ils subissent ça. Et sincèrement, je ne suis pas absolument persuadé que l'on ait été vraiment assez loin, même pour la santé de ceux qui sont dans la station spatiale internationale. Moi, j'ai assisté il n'y a pas si longtemps que ça à une réunion d'un des comités de la NASA, National Advisory Board de la NASA, où ils ont commencé à discuter certains résultats qu'ils avaient justement sur l'œil sur les problèmes qui pouvaient se poser pour l'œil dans l'espace. Et c'était un peu inquiétant. Et je dirais que le groupe de scientifiques qui était là et qui écoutait ça, ils se demandaient pourquoi on ne s'était pas posé cette question-là plus tôt. Alors c'est intéressant parce qu'on parle de protection contre les rayonnements. Alors, comme l'a dit Alain, ça veut dire du blindage. Mais du blindage, ça pèse. Et au lancement, c'est un gros handicap. Alors... Bon, des doses qui peuvent être létales sur une mission de type Terre Mars, mortelle. Hein. Alors, on a parlé également de travailleurs de l'industrie nucléaire. Alors, si vous posez la question à des gens qui travaillent dans l'industrie nucléaire, dans l'exploration des fonds sous-marins, la prospection minière dans des conditions très difficiles, si vous leur dites, mais est-ce que l'homme là-dedans, il vous dit, ah, mais on essaie de limiter au maximum la présence de l'homme. Parce que c'est des milieux dangereux. L'espace est un milieu particulièrement dangereux. Pourquoi est-ce qu'on veut y envoyer des hommes? Alors je suis désolé monsieur, on va s'arrêter, mais vous savez, Richard Bonneville et Alain Dupas sont encore là et puis ils pourront peut-être répondre à votre question. Avant de conclure, je voudrais vous rappeler, si ça vous a plu, de vous inviter à revenir. C'est le troisième mardi de chaque mois, ici. Donc maintenant vous connaissez l'adresse, à 19h30. La prochaine fois, on va parler d'un autre sujet passionnant. C'est Euclide à la recherche de l'énergie noire. Donc, vous savez que l'énergie noire, c'est un des grands mystères de la physique et de l'univers qui a été découvert il y a une dizaine d'années maintenant, il y a une quinzaine d'années maintenant. L'énergie noire, c'est tout à fait étonnant. C'est le grand mystère de la physique. Le grand mystère, dit même Richard Bonneville. Ben, on vous accueillera dans le public, hein, si vous voulez, Richard Bonneville. C'est donc le 18 décembre, ici, donc à 19h30. Moi, j'ai compris un certain nombre de choses ce soir. D'abord, que la Station Spatiale Internationale, si elle se finit en 2020, bon, probablement, est-ce qu'elle aura un destin, océanique? Y a une suite à inventer après la Station Spatiale Internationale, avec peut-être un retour sur la Lune, avec peut-être aller se promener sur un astéroïde, ça pourrait être quand même assez étonnant à faire, aller sur des lunes de Mars avant même d'aller sur Mars, et puis en utilisant des robots, hein, en s'adjoignant des robots. En tout cas, s'il y a un avenir avec les vols habités, ce sera plutôt dans cette direction-là. Il y a une coopération qui se met en place, il y a des instances qui se mettent en place, on discute, on fait des feuilles de route, et puis on a envie que tout cela, ça débouche sur une véritable feuille de route autour de laquelle tout le monde serait invité à participer, y compris les Chinois, si on vous a bien suivi, Richard Bonneville. J'ai compris autre chose, et c'est une grande leçon de sagesse que vous nous avez donnée ce soir, messieurs Bonneville et Dupas, avant de vous remercier infiniment pour votre intervention, c'est qu'il va falloir être patient. Merci infiniment, messieurs. Merci beaucoup à tous. Merci pour votre présence. Et puis on se retrouve le 18 décembre, Euclide, l'énergie noire, un des grands mystères, un des grands nouveaux mystères de l'univers. On va en parler. Et Euclide, c'est quoi ? C'est un appareil, une sonde, enfin un satellite, je crois, qui va être envoyé par l'Europe et qui va être créé. Il y a des Français qui travaillent dedans et on va pouvoir en savoir plus. On se retrouve donc le 18 décembre. Merci, au revoir. Au bar des sciences, chacun nourrit sa pensée. Et chacun nourrit sa pensée.